Et lorsqu'avec lui je serai. demande de doação, capitão. Il y a le 186 dans ce cantique-ci. Veille au matin, dans un ciel sans nuages. 200. Tu as tous les versets là en tête, frère. Vous êtes là. Amen. Dans ce cantique-ci, c'est le 186. Dans le champ victoire, c'est combien? C'est quoi? 200. Hein? Mm-hmm. Mais c'est parce que c'est rond. Comment tu peux le tasser à 200 que tu as retenu directement? Les frères. Le taxi, c'est 250. Mais si tu payes souvent totalement, tu ne dis pas toujours. Je paye même 300. Mais au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein, c'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait trembler. Céleste ami, Cherche avec soin sa divine présence. Laisse en son cœur tout ton souci. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille toujours en tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant. Pour se glisser dans la sainte demeure, où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Inclinons notre tête, on va prier. C'est moi qui vais prier pour nous, d'accord? Père, alors que les événements de la terre et les bruits de la terre font et refont les bruits dans nos pensées, lorsque nous nous prosternons devant de toi, Seigneur Dieu de gloire, ces bruits refont surface et parlent au travers de nous. Nous prions, ô Dieu, que si tu fasses, que tu fasses taire tous ces bruits-là, ces bruits de la terre que nous avons engagés en l'intérieur de nos cœurs, toutes ces choses mauvaises que nous avons écoutées dans le monde, toutes ces choses qui jouent en nous et dans nos cœurs. Seigneur, je prie pour chacun de nous ici, Père, que tu fasses taire ces différentes voix qui ne viennent point de toi dans nos cœurs, car tu cherches le point de contact qui est notre cœur. Mais notre cœur est distrait par les événements de cette vie et écoute beaucoup plus les choses de cette vie plus que ta voix. Je prie, Père, pour chacun de nous ici, afin que tu fasses taire tous ces bruits qui ne viennent pas de toi, toute cette voix dans nos cœurs qui ne vient point de toi, que ça s'éteigne au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ces bruits s'éteignent, que ça s'estompe totalement, afin que nous accostions au Père en bordure de cette mer que tu nous amènes vers le ciel avec la voix douce du Saint-Esprit. Je prie pour chaque cœur ici, Père, que tu les soumets à toi, que tu ancres là au travers du voile, là où a traversé notre Seigneur Jésus-Christ, au travers du voile de la chair, et a racheté pour nous, Père de gloire, notre place dans le royaume céleste. Je prie, ô Dieu de gloire, pour tous ceux-là, ô Dieu, qui ont décidé de marcher avec toi, qui avaient ces mêmes difficultés, ces mêmes problèmes. Lorsqu'ils se prosternent, Père de gloire, plusieurs voix parlent en eux. Je prie, Père, que ces voix disparaissent et que la voix du céleste époux parle au travers de nous au nom de Jésus. Amen. Je te soumets chacune de nos pensées aussi aujourd'hui, afin que c'est toi seul qui utilise nos pensées, notre âme et notre corps pour ta gloire et pour ta gloire seule. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu notre Père vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenez place, daignez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc ça fait pratiquement un mois, n'est-ce pas? Plus d'un mois, n'est-ce pas? Que je n'ai pas été ici. Ça va? Ça va, garçon? Ça va? Comment vous allez? Les frères se réveillent déjà. Donc j'ai les questions ici. Et les questions sont intéressantes, mais je ne les répondrai pas. Parce que ça doit être débattu par les femmes. Première question, lorsque le Seigneur dit qu'une femme qui a de la grâce obtient, je crois que la porte là, il faut que les hommes mettent de l'huile là-bas, de la graisse pour que ça ne fait plus rien là. Lorsque le Seigneur dit qu'une femme qui a de la grâce obtient la gloire dans Proverbes chapitre 11 verset 16, il parle de quoi? C'est quoi cette grâce là et cette gloire là? Deuxième question, lorsque le Seigneur dit dans Proverbes 12, verset 14, qu'une femme vertueuse est la couronne de son mari, qu'est-ce qu'il veut dire concrètement? C'est quoi une femme vertueuse selon la parole et comment devenir cette femme vertueuse-là? Bonne question. Donc ça c'est une histoire des femmes. Proverbes 14, 1, c'est quoi être une femme sage et comment le devenir pour bâtir sa maison? Dans Proverbes 16, versets 6 et 7, le Seigneur parle de la fidélité et de la bonté. Je veux comprendre ce qu'il entend par être bon et fidèle. C'est une bonne question, mais c'est pour les femmes et c'est avec les femmes. Donc, vous voyez effectivement comme le Seigneur donne les versets. Que pendant qu'il lit, il sonne et regardez, il y a les versets là. Ce sont les versets qu'il a donnés. Vous voyez, ça commence à titiller, n'est-ce pas? Ça montre qu'il y a problème. Ça, les questions montrent qu'il y a problème. Vous allez bien, mes soeurs, hein? Et mes frères? Tout le monde va bien? S'il n'y a pas de questions, on commence. Je ne sais pas où on va aller ce soir, si peut permettre qu'on travaille, comme on a assez de temps et que le climat est serein. Avec la température, il ne fait pas trop chaud, à moins que vous ne venez surcharger maintenant avec les calories. Vous voyez, quand c'est calme comme ça, quand c'est doux, vérifiez que les téléphones sont éteints. Le moment où vous devez savoir cela, vous éteignez avant d'entrer, pour que ça ne fasse pas de bruit. Vous savez, les téléphones chinois, là, ils font de bruit. Quand vous éteignez, ça fait balang, balang, balang, balang, balang, balang, balang. Donc, vous éteignez avant de venir, ou bien vous enlevez tout simplement la batterie pour que ça ne fasse pas de bruit. Et puis, vous remettez. Donc, vous les hommes, vous savez, vous souvenez de la recommandation que je vous ai donnée quand on était là-bas de l'autre côté, n'est-ce pas? Qui vous conseille, que j'ai parlé par rapport au pays, par rapport à ces périodes, les mesures que vous devez prendre, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Amen. Ils sont encore venus là maintenant. Donc, prenez ces mesures-là. Vous savez, ces choses-ci, ça nous... Je vais essayer de vous prévenir. C'est pour cela que les gens ne comprennent pas comment le Seigneur agit de différentes façons. Faites attention, parce que s'il rentre là, il va tomber. Il faut suivre. Vous voyez, quand les gens ne comprennent pas comment fonctionne le Seigneur, je comprends pour les nouveaux convertis qui peuvent ne pas comprendre, ne pas saisir ces choses-ci. Mais il y a des personnes qui appellent, vous voyez, quelqu'un appelle, prum, prum, prum, le téléphone sonne. Vous êtes dans la prière. Vous savez, je suis dans la prière constamment. Je n'ai pas besoin de me prosterner ou bien me mettre quelque part dans la prière constamment. Parce qu'à un moment donné, boum, quelque chose vous prend, vous commencez à observer plutôt un événement. Alors quelqu'un t'appelle. Vous savez, mon épouse dépose de quelque chose au téléphone. Je veux parler au frère Junior. Vous croyez que c'est un cas urgent? Et oui, bonjour, bonjour. Oui. Comment tu vas, frère Junior? Laisse-moi entendre ta voix. Vous entendez ça, non? Vous entendez? Je suis son mari. Vous suivez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Alors, oui, la dernière fois que vous êtes venu ici, il y a le frère qui est venu ici. On a pris sa moto là. Dès qu'il est sorti de la maison, la vision est venue. Je l'ai vu, je le suivais comme ça. J'ai dit à mon épouse qu'il arrive là, on va voler. Et dès que j'ai vu comment on prenait. Je vous ai dit cela. J'ai vu comment on prenait, puis j'ai vu la façon dont il est rentré, la bouche était. J'ai dit à mon épouse que voici comment, regarde sa bouche, quand elle va venir, elle va faire autre chose. Et puis quand je vois cela, j'ai dit, ok, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'est pas encore arrivé ici. Et donc, il a sorti de la maison, il dit que j'arrive. Dès qu'il sort comme ça, la vision, j'ai dit, il faut que mieux. Vous savez, c'est pour ça que je lui dis que quand on ne comprend pas ces choses-ci, on va commencer à aller faire n'importe quoi. Alors, lorsque j'en ai suivi cela, comment il faut faire, parce qu'il faut gérer. Quand ça vient, il faut savoir si ceci il faut dire ou ceci il ne faut pas dire. Pendant que j'en ai pensé, parce que les gens qui me déconcentrent de ce côté-ci, je suis cette autre voie. Il faut répondre aux questions ici, il faut répondre aux questions là-bas, il faut répondre aux questions là-bas. Et puis, subitement, il me réveille. Cette chose, ça commence à m'énerver. Parce que quand ça fait comme ça, le domaine spirituel, si je ne vais pas y entrer comme ça avec vous. Je vais rentrer dans la parole. Parce que ça fait de tel enseigne que. Les choses que je voyais quand j'étais petit, ça commence à revenir. Je n'aime pas cela. Je vous avais dit que quand j'étais petit, je pouvais rester comme ça. Vous prononcez seulement le nom de quelqu'un. Bam! Les événements commencent à arriver. Je dis, cette personne, si vous venez prononcer son nom, telle chose va lui arriver. C'est censé lui arriver. C'est la mort. Telle personne, si, va mourir. Et puis, subitement, je me battais chaque fois pour dire comment il veut faire. Il faut que j'essaie de prévenir. Parce que j'avais étudié ma part. J'ai dit, j'ai remarqué que quand je ne dis pas, la personne meurt. Donc, si, il faut qu'il parvienne à dire. Mais, quand bien même j'avais souhaité dire n'importe comment, un seul petit événement et ça me suffit de concentrer. Et par contre, quand je me concentre de ce côté pour faire telle chose, dans mon esprit, c'était que il faut que je dise. Parce que pour que la personne, sachant que si je dis déjà, la personne va, ça ne va pas lui arriver. Mais tout, j'ai dit, ok, prenons juste le big C pour positionner ici. Ceci suffit pour déconcentrer tout ce que je voulais faire. Et puis, la minute d'après, c'est que la personne s'est morte. Et puis, ça me revient qu'il était question que je dise pour que la personne vive meilleure possibilité. Donc, c'est la même chose qui est arrivée. Donc, quand c'est comme ça, je suis en train d'expliquer parce que les gens ne comprennent pas. Il y a des gens, même dans le monde entier, qui ne comprennent pas. Ils disent, comment tu ne pries pas pour nous? Vous voyez, les gens sont habitués à aller chez le pasteur. Quand ils appellent, ils disent, voici mon problème. Le pasteur commence, au nom de Jésus-Christ, tout esprit qui te bloque, tout esprit familial qui te bloque, au nom de Jésus-Christ, je prie. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Vous me suivez, frère? Toi, tu as sollicité mes voix combien de fois? Le jour où je t'ai appelé, que tu viens à la maison pour qu'on prie, tu savais que je pouvais t'appeler? Non, non. Hum? Non, non. Voilà. Je prie. Lorsque le Saint-Esprit dit appelle telle personne, je l'appelle. Que vienne ton moment. Nadège, ta soeur, dis-lui qu'il veut la voir. Il veut seulement dire comme ça. D'accord, ma chère soeur Sandrine. Hein? Elle me regarde comme ça. Il y a une autre soeur ici, la soeur qui est à Dakar. Je ne sais pas comment elle l'appelle encore, c'est Hortense. Maman Hortense. Vous connaissez son premier fils, n'est-ce pas? Vous connaissez son fils? Comment il est maintenant? Vous avez vu son témoignage? Comment son fils dérangeait? Alors son fils dérangeait, nuisible, plus que n'importe quoi. On va acheter le pasteur, on met l'huile. Au nom de Jésus, démon de tête, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas chasser un démon qui n'existe pas. Et vous ne pouvez pas chasser un démon si le Seigneur ne l'a pas ordonné. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir le désir, vous-même, de chasser. Je veux que vous compreniez ces choses-ci. Vous ne pouvez pas décider que telle personne s'est possédée. Il faut que je chasse ces démons. Dieu doit produire en vous le vouloir. Hein? Dieu doit produire en vous et le vouloir. Et le faire. Selon. C'est la partie-là que je n'aime pas entendre. Son bon plaisir. Donc, il fait toute chose bon. C'est vrai que ça peut te terrasser. C'est vrai que ça peut te ténailler. C'est vrai que ça peut te faire du mal. Mais si ça t'a fait du mal jusqu'à cet instant-là, pourquoi ça ne t'a pas tué? Hein? Il dit, la Bible déclare que Dieu fait toute chose bon en son temps. Et donc, j'ai décidé que, ok, comme telle personne a telle chose, tel problème, il faut que je prie pour elle. Tu vas prier. Mais si le Saint-Esprit ne prie pas, rien ne marchera. Ces petits principes, vous devez savoir cela dans les Écritures. Pas de dire, venez ici, on va prier pour vous, ça va vous guérir. Laissez que le Saint-Esprit fasse ce qu'il a à faire. Vous voyez, par exemple, je suis ici, il dit, par exemple, il y a des cas où vous êtes dans la prière. Il y a des cas où vous êtes dans la prière. Et que le Seigneur, je crois que c'est ici que je disais le jour quand il avait donné le message pour le président. Il dit, il y a des cas où le jour où vous êtes dans la prière, Dieu vous montre telle personne à l'extérieur, telle personne à l'extérieur, telle personne, voici les cas les plus urgents. Quand Dieu montre ça, ça ne veut pas dire qu'il ne vous voit pas. Il sait que c'est telle personne, il sait que c'est telle personne, telle personne, telle personne. Alors maintenant, quand quelqu'un écoute le témoignage sur l'internet, qu'est-ce que la personne dit? La personne dit, pourquoi il prie seulement pour telle personne? Comme si le frère Junior fait la sélection que toi maintenant, je vais prier pour toi. Toi, je te laisse. Quand c'est comme ça, vous voyez, une autre soeur m'envoie le message, elle dit que d'abord, je ne me sais pas moi de toi. Je dis, pourquoi ma soeur? Vous savez, Dieu m'a appris quelque chose maintenant. Et c'est comme ça qu'il va adopter. Et, en fait, j'ai adopté ça depuis, mais j'avais dit qu'il ne parlerait plus, il ne parle plus de ces choses-là. Vous savez, dans Jean chapitre 6, quand le Seigneur a dit, si quelqu'un ne mange pas, il boit mon sang. Jean prit l'œil, ça commençait à partir. Il n'a pas dit, oh, venez, il veut vous expliquer. Je vais vous expliquer ce qu'il voulait dire. Il n'a pas dit que manger ma chair n'est pas manger ma chair. Ils avaient entendu vraiment manger ma chair. Bois mon sang. Il a demandé à son voisin que tu as entendu quoi? Bois mon sang. Manger ma chair. N'est-ce pas la même chose qu'on a entendu? Oui. C'est un sorcier. Allons-nous tranquillement. Mais manger ma chair, qu'il a dit manger ma chair, c'est pas manger ma chair. Et même moi, je n'ai pas encore dit je mange la chair. D'accord, frère? Alors quelqu'un entend. Vous savez, quelqu'un approche. Il dit. Voici mon problème. C'est pour ça que je vais vous dire que vous devez être conduit par le Saint-Esprit. Voici mon problème. Il y a le blocage à tel endroit. C'est la personne qui a repéré qu'il y a le blocage à tel. C'est pas le Saint-Esprit qui a dit. Donc la personne sait qu'elle a le blocage à quel endroit. Si tu sais que tu as le blocage à tel endroit, tu as autorité sur ce blocage. Si tu sais. Je ne sais pas si vous comprenez. Si tu sais par révélation que la source de mon problème c'est telle chose, alors tu as la solution. Alors quand la personne vient une, deux, trois fois, il dit. Tu parles, reste tranquille. C'est comme ça que Dieu m'a appris maintenant. Quand tu parles, il dit, ok, oui, mais c'est comment tu vas lui? Que le Seigneur te bénisse. Et reste tranquille. Une, deux, trois, quatre fois. Pas que je ne prie pas pour la personne, c'est que, mais le problème, c'est que la personne aurait souhaité, quand il parle comme ça, comme on est en train de l'intellation, je dis au nom de Jésus, je brise cet esprit de blocage que tu entends là. Pour que dans ses oreilles, il entende que j'ai prié pour. Je ne fais pas comme ça, il ne fait pas la publicité. Je ne prie pas pour que quelqu'un entende. Il y a beaucoup, comme ici, je me suis tenu ici, j'ai dit. Il y en a des tables. Maintenant, il peut commencer à ouvrir davantage des enveloppes. Davantage des enveloppes, des cas, il y a des cas de personnes que le Seigneur révèle. Il y a le cas des femmes, c'est nombreux. Il y a le cas des femmes qui sont allées chez le marabout pour que les hommes puissent les aimer. On a fait des choses dans le bas-ventre. Il y a d'autres qu'on a scarifiées dans le bas-ventre. D'autres ont pris des choses avalées. D'autres ont des huiles spéciales qu'elles doivent faire et les sacrifices, les rituels qu'elle doit faire et renouveler chaque fois. Et même, ça marche. C'est-à-dire que ça marche avec les grands hommes et cible les personnalités. Quand tu regardes, bon, tu tombes. Et même, d'autres ont de grandes entreprises, de grands moyens. D'autres ont même fait voyager même leur maman, même leur frère en Europe à cause de ces choses-là. Mais personne ne sait que c'est ça qu'elle a fait. Sa vie est en danger. Voici par exemple les cas les plus ultimes que Dieu me fait travailler. Où est-ce là, n'est-ce pas? Mais quelqu'un est venu dire, mon foyer ne marche pas parce qu'il y a un démon. Et que tu regardes par le démon. Comment tu vas expliquer qu'il n'y a pas de démon? Il reste tranquille parce que si depuis tu n'as pas eu de problème dans ce sens-là et que ça ne t'a pas tué, c'est que Dieu est au contrôle de cela. Voici quelqu'un qui est, cette femme-ci, celle qui vient de citer, vient, elle est dans un cas où son menstruation a disparu. Menstruation, vous connaissez menstruation. Donc le sang, quand ça coule chaque mois, elle ne voit plus cela. C'est dangereux. Donc son âme est vendue au diable. Il faut que le Saint-Esprit fasse venir cette femme-ci. La dernière fois, il était ici, elle nous a dit, voici un jeune garçon qui a son portable ici, et puis c'est comme ça. Et vous vous souvenez, n'est-ce pas? Deux jours après, moi, il me dit, le Seigneur va me faire, quand je suis sur le Seigneur, qu'il va rencontrer à l'extérieur. Deux jours après, il m'appelle. Quand il m'appelle, on a de causer, il dit que, et puis le Saint-Esprit dit que, le voici. Il dit, c'est toi qui habites à tel endroit? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, ok, c'est le Saint-Esprit m'a parlé de ton cas. Je vous ai parlé ici d'une femme qui a épousé un franc-maçon dont les événements marchent dans son corps. La femme m'a appelé. Où est-ce là, n'est-ce pas? Comment Dieu peut être miséricordieux? Alors, comment tu vas rester là? Mon mur va ici devant vous. Tout ce qu'il peut voir, c'est vous et le mur ici. Comment est-ce qu'on peut regarder jusqu'à là? Je dis qu'il y en a des tas, il y en a des tas, des tas, des tas de femmes. Il y a d'autres qui sont allés coucher avec les, prendre les événements qui concernent les morts. D'autres qu'on a lavé au cimetière sur la tombe pour la faire voyager. Et ce voyage a échoué une fois, puis la seconde fois, ça a réussi lorsqu'elles ont renouvelé le rituel. Parce qu'elles avaient oublié un domaine. Elles sont à l'extérieur. Elles marchent. Maintenant, je pose la question. Quand vous faites ces choses-là, vous couchez avec un homme, qu'est-ce que l'homme-là reçoit? C'est le porte d'entrée d'initiation. Il y a même une parmi qui est maintenant femme de pasteur, et elle est là comme agent secrète de Satan. Voici un pasteur qui est en danger. Donc, vous voyez, voici par exemple un pasteur qui... Ouais, il dit qu'il y en a plein. Voici un pasteur qui a épousé une de ses femmes. Mais celle-ci, c'est un agent du diable qui est venu seulement pour le faire tomber comme ça. Voilà donc le cas qu'il faut résoudre. Donc, il dit donc, quand vous ne connaissez pas ces choses-là, vous allez voir que, non, je viens, il ne prie pas. Vous venez, on s'assoit. On s'assoit. Le temps qu'on a dû le causer comme ça, là, la causer, comment tu vas, frère? Je vais très bien. La question, c'est en réalité, c'est Seigneur, qu'est-ce qu'il y a pour lui? S'il n'y a pas de réponse, il n'y a absolument pas de réponse. Vous voulez qu'il dise quoi? Donc, vous voyez quelqu'un, après que frère Junior, Dieu ne t'a rien dit pour moi. Si Dieu avait dit quelque chose pour toi, c'est moi qui t'aurais appelé. Mais c'est pas moi qui t'avais appelé. Il y a plusieurs entreprises que je vous appelle que toi, viens à la maison, pas vrai? C'est pas ça, mes soeurs. Mm-hmm. Même à l'extérieur, souvent, il écrit, si tu es disponible, fais-moi signe. Attention. Dieu a dit quelque chose pour toi. Il dit, ma soeur, comment tu as lu le livre de Romains? Lis le chapitre 1, le chapitre 2, voir, il te revient tout à l'heure. Il le renvoie, il ne sait pas que c'est pour ça que Jésus a dit que rentre dans la Bible, lis la Bible. Mais tu vas beau dire quelque chose à quelqu'un en l'aimant, il va croire peut-être que tu le détestes. Alors la personne dit que non, il n'aime pas la façon que tu fais. Je n'ai jamais vu un pasteur qui ne prie pas pour ses brebis. Donc il veut que le pasteur prie pour ses brebis, que les brebis entendent qu'il a envie de prier pour lui. Donc quand il prie pour toi, il faut qu'il dise que frère Olivier, au nom de Jésus-Christ, qu'il gronde, c'est pas comme ça, il n'y a pas d'énergie à gaspiller. La deuxième fois, maintenant, il dit, ok, si tu découvres que c'est comme ça, il n'y a pas de problème. J'ai des réponses seulement doucement, il répond, je dis, gloire au Seigneur Jésus-Christ, je renvoie. Elle renvoie encore un autre message. Elle dit qu'en fait, ce qui vraiment m'a fait quitter, c'est deux points à cause des enseignements. Un, parce que tu dis que Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Voilà un faux enseignement que tu as enseigné, que Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Or, c'est là en Genèse chapitre 14, verset 24 ou 22 ou 26, Jéhovah est mentionné. Il dit, deuxième cas, pour le cas de faute des témoignages qui est rendu contre toi parce qu'il y a l'enfant d'une sœur que tu aurais prophétisé. Voilà la sœur qui me regarde là. Donc, pendant qu'on est comme ça, la personne va sur... Il dit, pourquoi le gars ne prie pas pour moi? Il se va sur l'internet, il faut que je cherche quelque chose sur lui. Si tu cherches, tu auras. Et le scandale n'a pas encore commencé. Je m'en fous de ce qu'on dira de moi. Si ce n'est pas le ciel qui dit ça, je m'en fous. Alors, j'ai écrit encore pour être plus poli. J'ai dit, ma soeur, si tu penses que tu te retires de moi à cause de cela et que c'est le Seigneur qui t'a guidé, gloire à lui, continue à écouter sa voix. À écouter sa voix. Et dans ce cas... Mais je veux que seulement que tu prennes attention en disant que tes interprétations montrent que tu n'as pas écouté l'enseignement. Parce que si tu avais écouté tout ce qui écoutait l'enseignement de Jéhovah, j'ai parlé de, justement de Genèse. Chapitre, pourquoi ça finit dans 8 secondes, pas vrai? Donc cette personne-ci a seulement lu le titre de l'enseignement. Attention chrétien, Jéhovah n'est pas le nom de Dieu, n'est pas écouté l'enseignement. Elle allait plutôt dans la Bible dire que mais Jéhovah, je sais que Jéhovah est dans la Bible. Pourtant dans cet enseignement, je parle de cela. Vous voyez? Elle allait écouter maintenant ce que les autres personnes ont fait sur moi ici. Elle n'a pas écouté les deux. Donc j'ai copié le lien. Donc si je n'ai pas écouté, si Dieu te met encore à cœur d'écouter les enseignements qui me concernent en silence, et que tu sauras que je parle de ça. Donc ça montre que tu n'as pas écouté les enseignements. Ça c'est un des deux. Pour ce qui est des témoins de ces frères-là, comme tu as écouté leur version, voici les deux liens, si Dieu te permet d'écouter. Tu écoutes. J'ai mis là-bas, j'ai envoyé. Alors, j'ai dit, l'autre lettre est encore venue. Parce que je dis, en réalité, c'est parce que je n'ai pas. Voici vrai la situation. C'est parce que je n'ai jamais vu de pasteur qui ne prie pas pour les brebis. Alors, ça commence à poser des questions. Si le Seigneur te conduit à comprendre qui je suis, parce que c'est la lettre, il y a un réseau comme ça là. Dieu m'a vraiment. Je ne me fie pas de toutes ces choses-là. Que Dieu m'a parlé de toi. Je sais ce que lui a dit de moi. Si je suis court, tu veux me dire que je suis long, c'est ton problème. Si je suis brun, tu veux me dire que non, tu es vraiment noir. Ça, c'est la couleur noire. C'est, ma peau est noire, frère. Voilà le sac qui est noir là-bas. Moi, je suis brun. Donc, si tu veux me flatter là que je suis noir, c'est ton problème. Moi, je ne suis pas. Regardez, ma couleur, là, c'est la même couleur ici. Voilà la couleur noire là-bas. Je ne suis pas noir. Alors, c'est parce que quelqu'un aura dit de moi qui est le problème. C'est ce que Dieu a dit de moi. Donc, vous voyez, que, voici. Bon, quittons cela. Donc, ta petite soeur là, je vais la voir. Dis-lui que je vais la voir. Il n'en dit pas plus. Vous savez, quand il est en train de dire le message du chef de l'État là, quand il est en train de dire, c'est parce qu'il sait ce qu'il en est. Donc, quand vous voyez, c'est le premier volet qu'il dit. Il dit, Dieu lui commande. Je n'ai pas dit, s'il te plaît, président. Il dit, Dieu lui commande. Il y a un deuxième volet que j'ai avalé, que je garde. Sinon, il y a sinon. Il y a sinon. Mais sinon, je garde. Sinon. Il y a sinon. Il y a le sinon. Et sinon, vous allez savoir que Jésus-Christ est Seigneur. Mais pour ceux qui sont proches de moi, il va dire doucement, doucement. Il dit, on écrit seulement. Il dit, voici ce qu'il a passé. Donc, il y a le sinon de Dieu te commande. Vous savez, si vous prenez votre livre dans le livre de Joël chapitre 2, vous lisez le verset 12 jusqu'au verset 17, lorsqu'il appelle à la repentance, après il dit par deux fois, il a dit que son peuple ne sera jamais dans la confusion. Son peuple ne sera jamais dans la confusion. Dans ce livre de Joël chapitre 2, verset 12 à 17. Donc, ces choses-ci, je crois que c'est ça, j'ai un fils. C'est toi qui étais ici debout un jour ici, c'est ça? Hein? Oui. Tu te souviens de ce qu'il avait dit ici? Oui. Maintenant, ça va? Tu te souviens de ce qu'il t'avait dit? Est-ce que, pourquoi je t'ai laissé se partir? Oui. Pourquoi? Au moins, j'ai fait plus d'un mois, c'est pas bénéfice. Donc maintenant, tu n'es plus nouvelle, non? Est-ce que tu es encore nouvelle? Tu es d'ailleurs nouvelle ancienne, non? Ça va, toi, ça va depuis, ma chère, mon frère. Donc, si vous. Je crois que celui-ci, il parlait des solitudes. Ça, il passe là, c'est encore écrit sur son dos là. Mais bébé Daniel, ça va? Je crois que c'est mieux qu'il n'entre pas dans cette affaire si c'est soit cela. Donc frère, éveille-toi, il y a un message pour toi, donc tu me vois après, ça c'est privé. S'il n'y a pas de questions, vous permettez, on entre dans les écritures maintenant. On peut y entrer. Oui frère. J'ai une question. D'après le livre de Joël chapitre 2, au verset 28, Joël chapitre 2, au verset 28, il dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Quand nous regardons également dans Ézéchiel, le même passage revient. Dans Actes également, ça revient. Donc, il y a au moins 5 à 6 versets dans la Bible qui ressortent le même verset. Mm-hmm. La question que je me pose, pourquoi est-ce que dans Ézéchiel, le Seigneur précise que si lui, il ne vient changer nos cœurs, ôter nos cœurs de pierre pour nous en donner des cœurs de chair, et ensuite y mettre son esprit, oui, afin que nous puissions, n'est-ce pas, marcher dans sa, suivre ta parole, obéir promptement à sa parole. Mm-hmm. Alors, si nous cherchons, n'est-ce pas, le baptême du Saint-Esprit, que nous ne parvenions toujours pas à voir la chose. Mm-hmm. Pour moi, la question que je me pose, est-ce que le Seigneur n'attend pas que nous puissions retourner de ce côté-là? Quel côté? Il dit par rapport à la promesse qu'il nous a faite, mm-hmm, dans Ézéchiel chapitre 36. Mm-hmm. On retourne comment? En cherchant, bien sûr. Mais c'est ce qu'on a cherché. Assez ton frère, que le Seigneur te bénisse. Donc, en fait, ouais, il développe la question de le suivre. Ouais, comment, pour une fois, il faut rester calme pour le suivre, pour qu'il aille jusqu'à la fin. Comme Dieu a dit, il faut qu'il enlève le cœur de Pierre qui est là et remettre le cœur de chair, sinon on ne peut pas obéir à sa voix. C'est pour cela que le ministère de la grâce, du moment de la nouvelle alliance, le ministère de l'esprit. C'est le ministère de l'esprit. Si on ne sert pas Dieu en esprit et en vérité, vous avez raté la chose. C'est ça le vrai problème. Ça veut dire que tout ce qu'on va faire, écoutez très attentivement, c'est vous qui avez attaqué. Donc, celui qui a, j'ai bien dit que s'il n'y a pas de questions, c'est enseigné, moi ce que je vais enseigner, je vais ouvrir la bouche là, ce qui va dire, sortir là-bas, sort. Mais celui qui a arrivé sur cette question-là, effectivement, si ce n'est pas Dieu qui opère ce changement-là, comme Ézéchiel chapitre 36, verset 24 à 26 le dit, aucun homme ne peut suivre Dieu comme il le veut. Aucun. Tu ne peux pas faire quoi que ce soit qui lui est agréable. Parce que c'est le ministère de l'esprit. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, si vous marchez selon l'esprit, comme Romains chapitre 8, verset 14 le dit, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont... Donc, si tu n'es pas conduit par le Fils de Dieu, tu es conduit par quoi? Par la chair. Donc, effectivement, initialement, le Saint-Esprit appelle, celle et envoie. Initialement, le Saint-Esprit appelle, celle et envoie. Les gens ont dit que non. Vous voyez que les gens ont des problèmes dans tel domaine de la vie. Il faut étudier les domaines. On ouvre les écoles théologiques. On va former les gens pour que les gens soient efficaces dans la parole. Alors, lis la parole citée correctement de la Genèse à l'Apocalypse. Lis ça 4 fois par an en soulignant, ne fais pas que l'Esprit te conduise. Il va aller doucement, encore doucement. Cette parole que vous avez devant vous là, ce sont les paroles du Seigneur qui sont écrites sur un livre. Ce sont ses pensées qui sont exprimées. Et cette pensée-là sont expliquées par l'Esprit de Dieu. Autrement dit, l'attribut de Dieu qui est là-bas ne peut que se manifester que par la vertu du Saint-Esprit. C'est-à-dire, pour que ça quitte la Bible, ça fonctionne pour toi, il faut que l'Esprit soit derrière. Si le Saint-Esprit n'est pas derrière, tout ce que tu fais, c'est charnel. Et si c'est charnel, c'est attaché donc et ami donc de Lucifer. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Prenez le temps de lire le livre de Romains, chapitre 8, verset 1 à 26. Vous allez savoir de quoi il est question là-bas. Il dit choses impossibles à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a envoyé son Fils dans la chair semblable à notre, c'est-à-dire que semblable au péché, semblable aux faiblesses. Parce que notre faiblesse montrait clairement qu'on ne peut pas rester et marcher dans la loi comme il a voulu. Et par conséquent, il est venu prendre notre faiblesse pour donner quoi? En échange, son esprit. Alors l'homme peut vouloir faire quelque chose, mais si ce n'est pas le Saint-Esprit qui est sous son influence, oublie. Je recommence encore. Vous pouvez lire les versets bibliques, les garder en tête. Vous avez entendu les mondains qui n'ont rien à voir avec l'église qui dit que Matthieu 7 dit demain on vous le donnera. Qui lui a gardé ça dans son esprit? Un marabout peut coter bien la Bible. Vous allez chez les charlatans, ils ont la Bible déposée devant les idoles. Donc ce sont les attributs tout simplement qui sont couchés dans. Mais pour que ça soit esprit et vie, il faut que le Saint-Esprit soit là derrière. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Jean chapitre 4 que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, nous adorons, nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Ça, c'est pour l'époque là, pour l'époque de cette discussion. Puis il dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Donc c'est la nouvelle ère maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Donc tout ce que vous allez faire avec le Seigneur, lorsque tu vas prendre Matthieu, chapitre 7, verset 6, demandez, vous donnera. Quand vous allez finir de lire ça physiquement, il faut entrer dans le règne de l'esprit. Vous n'entrez pas, vous restez ici, c'est votre histoire que vous faites là. Donc, quel qu'en soit ce que tu vas lire, oh, le Seigneur se souvient de Sarah. Quand tu vas finir de lire, se souvient de Sarah. Physiquement, il s'était souvenu de Sarah. Rentrez dans le règne de l'esprit pour savoir ce qu'il y a sur les questions. Donc, la lecture, l'homme est capable de façon intelligente à lire ce qui est écrit de façon mot à mot. Mais l'interprétation doit venir de l'esprit. L'interprétation doit venir de l'esprit. Je prends un exemple simple. Je ne sais pas qui était à la maison pendant qu'une jeune fille venait de Yaoundé. Alors qu'elle était entrée. Je sais, comme c'est, vous avez vu la vidéo ici. Vous avez vu cette vidéo là. C'est ce que vous avez vu. Alors elle est assise là pendant qu'ils sont de regarder. Je pose d'abord une question. J'ai remarqué qu'elle venait de Yaoundé. Je ne voudrais pas qu'elle dorme parce qu'elle avait quelqu'un dehors qui l'attendait. Je suis en train de regarder pendant qu'elle. Je lui pose une question. Je dis, où est l'enfant? Elle dit, hein, quel l'enfant? Il dit, l'enfant. Pendant qu'elle dit, où est l'enfant? Ils sont allés les prier. Où est l'enfant? Elle dit l'enfant. Oui. Où est le père de l'enfant? Il pose encore une deuxième question. Vous voyez, le temps que quelqu'un se réveille pour dire, mais de quoi est-ce qu'il parle? Il pose encore une deuxième. Elle est troublée dans son esprit. Parce qu'en réalité, vous venez, très souvent, vous voyez très bien que quand le Saint-Esprit vient vers vous, il dit des choses que vous ne vous attendiez pas. N'est-ce pas? Parce que si vous attendiez à cela, ça veut dire que vous avez la solution. Alors, très souvent, il va pointer les choses que vous ne pensiez même pas que ça a à voir avec votre problème. Où est l'enfant? Où est le père de l'enfant? Et, il est à Yaoundé, il dit, où est le père de l'enfant? Quel enfant? La question c'est, s'il répondait d'abord à quelques questions. Alors j'ai dit, okay, on parle avant de prier ou bien avant de commencer. Pendant qu'il dit ça, le Seigneur lui dit, prie. Vous voyez cela? Si vous suivez la vidéo, vous allez voir, il dit, on parle avant de prier, on prie avant de parler. Il dit que parlons, mais il dit qu'on va prier. Après, pendant qu'on est là de parler, le Saint-Esprit dit, demande-lui de lire Romains 10, verset 13. Il peut se lever, il allait prendre la Bible là-bas. Et de nos frères qui étaient là-bas, que donne-lui. Oh, ça se passe là. Alors maintenant, comment vous allez faire pour faire que le livre de la Bible là commence à marcher? Comment ça va marcher? Si lui ne parle pas, elle s'est tenue là-bas, il dit non. Le frère voulait dire non. Parce que l'ordre, c'est que c'est elle. J'ai entendu, elle doit lire. Elle doit lire. C'est elle qui doit lire. On n'a pas dit lisez. Alors on dit lisez, il devait dire lisons. Le frère prend la Bible et dit, ok, lis le verset 13. Maintenant, je sens de prendre un exemple pour parler de ce livre. Alors, c'est écrit, vous lisez dans votre livre chaque fois, Romains chapitre 10, verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera, vous savez ça. Alors, elle a lu, le Saint-Esprit dit que Dieu lui a lu encore, elle a lu. Vous-même, vous avez vu comment elle a commencé à bavarder comme ça. Alors, la question c'est, qu'est-ce que quiconque invoquera le nom du Seigneur, juste à avoir avec la danse. Alors, pam, au sol. Quiconque invoquera le nom, la parole est devenue esprit. Vous voyez, quand le Seigneur m'avait appelé, c'est comme ça que ça a commencé. Je reste comme ça, le temps de faire quelque chose et dire, prends 7 jours de jeûne. 7 jours de jeûne. Je suis allé m'asseoir à la maison et lire. Il dit qu'il va lire tel livre. Il commence à lire, il lit. Il finit de traverser, il dit non, c'est ici. Il dit quoi? Il dit, c'était voici. Si vous voulez poser moi la question, je vais vous dire quel livre j'avais lu et où il m'a dit que c'était voilà. Posez la question. Pardon? Je ne dis pas. Il a dit que t'es voilà. Quand ça arrive, vous ne pouvez plus vous séparer. Quand ça arrive, quelque chose sort seulement, ça se positionne en vous. Vous ne pouvez pas fuir. Vous allez voir ce que Jérémie veut dire. J'ai pris ta parole, je l'ai dévoré en moi comme le feu. Si il dit qu'il veut me taire, ça commence à brûler les dents. Vous allez savoir de quoi il est question. Quand ça entre, vous ne pouvez pas faire quelque chose. Donc, sans l'esprit, oubliez. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit. Ça ne sert à rien de disputer. C'est ça qui amène les discussions, les disputes au milieu chrétien. Où il y a la guerre des positionnements. Parce qu'en réalité, il y a le facteur de la chair. Les gens veulent se présenter. C'est ça le vrai problème. Il dit, les gens veulent se présenter. Quand ils veulent présenter eux-mêmes, leur nom, Et non, le nom du Seigneur Jésus-Christ, il y aura ces choses-ci au milieu chrétien. Parce qu'on veut qu'on sache que c'est nous qui avons fait ceci, que c'est moi qui suis comme ça. On n'est absolument rien. Parce que le souffle sort là, et tu es exactement comme une fourmi qu'on a écrasée. Définitivement, qu'est-ce qu'il y a à voir? Il faut qu'on sache tout simplement que le doigt et le doigt du pied et de la main n'ont pas les mêmes fonctions, mais ils font partie du même corps. Le fait que tu aies la forme, la plus petite des formes, regarde mon petit doigt, on ne sait pas comment vous appelez ça, le riz coulé ou c'est quoi vous appelez, c'est le fait que lui, généralement, je sens de parler de ma bouche. S'il décide de parler un jour, il va pouvoir parler. Son rôle, ce n'est pas de parler. La grâce a été donnée à celui-ci de parler. Si le chrétien pouvait comprendre ces choses-ci, on va comprendre qu'en réalité, l'ennemi à battre, c'est Satan. Donc le chrétien combat comme ça. Satan, il donne un coup à Satan, boum, il donne trois à son frère chrétien. Boum, boum, boum. Donc on donne beaucoup plus de coups au frère chrétien qu'au diable. L'énergie que les chrétiens déploient pour s'insulter mutuellement. L'énergie que les chrétiens déploient pour s'insulter mutuellement. Si cette énergie-là était déployée dans l'harmonie, dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ, la vague du Saint-Esprit balayerait le sol-ci. Vous voyez, il faut que d'abord Dieu restaure l'amour au milieu chrétien. Restaure l'amour. Pour qu'on comprenne qu'on n'est pas ennemis les uns les autres. On est amis, frères de sang et d'esprit les uns les autres. Alors maintenant, quand on regarde, on dit que nous avons un même ennemi, ennemi commun. Si tu es chrétien dans n'importe quel endroit, la Bible déclare que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde entier. Donc ce que tu traverses là-bas, l'autre traverse. Définitivement, qu'est-ce qu'il faut faire? Tel n'est pas de Dieu, tel n'est pas de Dieu. Ce n'est pas le rôle d'un chrétien. Non. Ce n'est pas le rôle d'un chrétien. Les gens qui ont ce rôle-ci particulièrement, ce sont les apôtres et les prophètes du Seigneur Jésus. C'est à eux de faire ces choses-ci. Maintenant, aujourd'hui, n'importe quel chrétien se lève parce qu'il a lu la Bible une fois. Il a coloré de Genèse à Apocalypse. Il dit, frère, défendons la Bible. Je t'ai envoyé défendre la Bible. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Même un faux prophète, aucun chrétien n'a le pouvoir sur lui, n'a le devoir biblique de le juger. Aucun. Vous comprenez ça, frère? Il dit même un faux prophète. C'est uniquement les prophètes qui peuvent le confronter. C'est uniquement les prophètes et les apôtres à qui cet ordre-là est donné dans la Bible. L'ordre est donné uniquement. Quand vous lisez votre acte, Apocalypse chapitre 2, il dit que parce que tu as jugé ceux qui te disent quoi? Apôtres et qui ne le sont. Mais regardez à qui il s'adresse. Il dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc faisons attention. On ne comprend pas ces choses-là. On est dans toutes ces guerres-ci. Donc le fait que tu connais qu'un verset biblique dit comme ça, tu te prends maintenant. Puisque il y a un moyen maintenant au travers de YouTube où n'importe qui peut faire n'importe quelle vidéo. Chacun fait sa vidéo. Et on croit peut-être que si on te voit, si tu vois, tu as 20 000 vues, ça montre que tu as la place dans le ciel. L'approbation humaine et la masse de la terre ne fait pas de toi l'approbation. Ça ne fait pas que au ciel maintenant, Dieu dit, Michael, tu ne vois pas que 200 000 personnes ont vu la vidéo de telle personne. Approuvons-le. Écoutez ceci. Écoutez. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de poste à pouvoir. Il y a des gens qui ont été élus avant la fondation du monde pour y être. Et quelle qu'en soit la connaissance que tu peux avoir, même jusqu'à contredire même un véritable enfant de Dieu, comme les philosophes peuvent faire là. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a fait la philosophie, qui n'a même rien à voir avec la Bible, qui a étudié cette Bible-ci. Quelqu'un qui a fait l'histoire, la science de la religion, la science chrétienne à l'école, et qui n'a rien à voir avec le monde chrétien, qui s'appelle athée, et te contredit avec le verset biblique. Juste à ce que tu rends comme ça, tu dis, mince, ça ne fait pas de toi que tu n'es pas enfant de Dieu. Donc, même si quelqu'un qui est sage, qui n'est pas enfant de Dieu, te conduit, toi qui n'es pas enfant de Dieu, il n'en relèvera jamais de ta place qui est dans le corps. Jamais. Et même s'il dit n'importe quoi sur toi, ça n'en changera absolument rien. Je sais seulement que la chair entre là-dedans. Ouais, un pasteur dit que ça ne va pas me lever du coup avant qu'on va résoudre avec Dieu. Alors, le combat n'est pas contre la chair. Quand l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair, ça se pose que la guerre n'est pas entre nous. La guerre, c'est dans le monde spirituel. D'accord, frère? Donc, il n'y a pas de poste à pouvoir dans la vie chrétienne, dans le corps de Christ. Le Seigneur a déjà présélectionné les gens qui doivent travailler pour lui, qui doivent appartenir au corps, avant même que le monde ne fût. Il l'a déjà sélectionné. Donc, ce n'est pas parce que tu auras lu la Bible aujourd'hui que tu comprends que tu as lu la Bible. Tu dis, maintenant, je connais qu'il faut enseigner telle chose. Tu n'es pas enseigné. Tu enseignes que ce n'est pas ta place. Tu vas enseigner, ça va donner de bons résultats chez les gens. Là, les gens vont entrer, tu vas rester dehors. Parce qu'il ne doit pas dire que maintenant, il a enseigné mes gens bien plus que les pasteurs que j'avais envoyés, comme les gens disent là. Donc lui maintenant, je lui donne une place dans le royaume. Allez demander combien de personnes Judas a converti, guéri et prêché la bonne nouvelle de la repentance et la réconciliation avec Dieu. Tous sont entrés, tous ceux qui ont cru au message de Judas Iscariote qui a trahi le Seigneur Jésus. Mais Jésus n'a pas dit ces jours-là que tu avais quand même amené 500 000 personnes pour ça, je te pardonne ton péché. La Bible déclare de lui, avant qu'il ne naisse, que ses prières même se passent pour un péché. Donc, quand il vient sur la terre, c'est écrit que s'il tente de prier, qu'on ajoute comme ça seulement le péché sur lui. Mais il est venu, il a prié, prêché, vous avez été guéri. Amen. Il peut avancer maintenant. Donc, lorsque si vous comprenez la voix de Dieu et vous savez que vous êtes sur la voie de Dieu, vous devez comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, donc y compris vous. Et par conséquent, s'il y a n'importe quelle situation dans votre vie, ce n'est pas destiné à vous amener dans la mort. Et bien plus, si Dieu a voulu que ça soit là, il a un but, un enseignement qu'il veut en faire ressortir. Dans cette maman dont je t'en ai parlé, la soeur Hortense, quand ils avaient son enfant, je crois que c'est quand on était à l'hôpital, elle est venue avec l'enfant. Elle dit, l'enfant, quand il regarde l'enfant, le Saint-Esprit dit, demande-leur de rester tranquille. Et si vous devez écouter soit la voix de Dieu, soit continuer à marcher. Demande-leur de rester tranquille. Voilà la prière. Laisse cet enfant. Il ne dit pas, le Seigneur m'a dit que, je te dis que. Non, il ne dit pas cela. Vous cessez ça, frère. Il ne dit pas que le Seigneur a dit que je dis que non. Je viens vers toi, il dit, frère. Comme par exemple, toi, il t'a dit quelque chose, pas vrai? Il t'a dit que, mais avant de faire telle chose, il y a des restaurations à faire à tel endroit. Pas vrai? Mais tu dois savoir de quoi ils sont en train de parler. Voilà. Alors, ce n'est pas le. Allez, le Dieu me dit que tu me dis. On va revenir sur Dieu me dit que. Pourquoi Dieu me dit que à 90% il fonctionne et Dieu continue toujours à dire que. D'accord? Dieu m'a dit que, Dieu m'a dit que, Dieu m'a dit que. Maintenant, la parole est faite pour que justement ceux qui fonctionnent en esprit puissent discerner l'esprit qui parle. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il dit. La parole est donnée justement. Comment? Un homme qui va aller en guerre avec un autre homme. Prenons un exemple simple. Le Cameroun est en guerre contre les poltrons de Boko Haram. Ils doivent être dans un camp. Le camp militaire, les stratégies de guerre. Même quand on montre la télévision, on n'acceptera pas que les caméras filment tous les engins qu'ils ont. Parce que c'est une stratégie de guerre. Même quand on laisse que l'autre commune en disant qu'en mettant des gens derrière lui avec les balles partout, c'est les stratégies d'intimidation. Quand ils se mettent sur les machines qu'ils ont confisquées avec les armes, comme Rambo, c'est pour que vous, quand vous voyez comme ça, un gars regarde comme ça, que j'ai mes Kalachnikov qui ont rouillé depuis. Vous avez vu l'arme que le type dit, ah non, non, non, il ne va pas en guerre. Donc c'est les stratégies de panique. Ceux qui sont spécialisés en terrorisme savent que quand ils présentent ces pistes-là, ils savent. Mais quand tu ne connais pas, tu vas dire qu'on est mort en guerre. Alors supposons maintenant que le Cameroun veuille aller dans la guerre. Il présente toute son arme, son arsenal qu'il a. Lorsqu'il présente, il ne présente pas seulement à cet ennemi qui est ponctuel. Même à d'autres ennemis à l'extérieur. Et par conséquent, d'autres qui pourront attaquer vont savoir maintenant qu'au Cameroun, il y a tel style d'armes. Il y a tel style d'armes. Pas vrai, frère? Alors il a livré le secret. Voici donc notre Dieu. Je suis de place pour vous montrer quelque chose. Donc, normalement, une armée ne va pas en guerre en livrant les positions les positions de ce qui va se passer. N'est-ce pas, frère? Donc, tu dis par exemple que, on dit en plein journal à Seattle, par exemple, on dit que les troupes de l'artillerie, sol d'inconsombat, vont se diriger. Ils seront 20 000 hommes. Ils vont se placer sur l'axe nord du front de la guerre. Exactement à Fotokol, là-bas, à la sortie de Fotokol Est. Quand on dit ça, ce n'est pas la guerre qu'on a cherché, ce n'est pas la mort de ces gens qu'on a cherché. Mais non, regardez la différence avec notre Dieu. Ici, il a donné le plan de capture de Satan. Le plan de capture. Il a montré comment il va le capturer. C'est écrit ici, noir et blanc. Il a dit exactement comment il aura cette guerre-là dans le ciel. On va le propulser sur la terre. Et quand on va propulser, il y a une voix qui va dire qu'il est descendu vers vous fâcher. On a déjà même écrit cette voix-là ici. Après, on a vu comment un grand va descendre vers une grande chaîne. On va le prendre, le mettre pour 1000 ans. Son plan de capture est ici. Alors, qu'est-ce que Dieu veut dire? Satan, dis-moi, Satan va fuir où dans l'univers? Où est-ce qu'il va fuir dans l'univers? Quel roi, quelle puissance, quel homme du monde, fût-il fort, peut détailler ses plans comme ça qu'il va faire pour capturer son ennemi? Qu'est-ce que Dieu veut dire dans ces paroles-ci? Vous pouvez lire tous, entendre la même chose, mais la souveraineté me revient. C'est ce qu'il veut dire là. La souveraineté. Donc, il y a une certitude sur de la vérité véridique, que cette vérité, c'est vrai. Là. N'a-t-il pas promis que la Vierge enfanterait? Une Vierge enfantée. Il était prévu qu'il devait naître, il serait appelé Nazaréen. Il est né, n'est-ce pas? Que quand devait naître, les enfants devaient être tués, n'est-ce pas? Les femmes devaient crier, Rachel pleure ses enfants, pas vrai? Amen. Tout est arrivé exactement, frère. Que on a mis son tombeau parmi le juste, c'était écrit. Amen. Son tombeau était parmi le riche. Il a été mis au nom de Mapheltère. Est-ce qu'on a brisé ses os? Amen. Aucun de ses os ne serait... Quand quelqu'un prouve quelque chose, tu vois, une fois, deux fois, trois fois, ça arrive, craigne la personne. Donc Dieu nous a donné une certitude sur que les Écritures sont conformes, dignes de foi, on peut avoir confiance en lui. Alors tout ce qu'on peut faire, c'est s'abandonner au Saint-Esprit afin qu'il puisse prendre cette parole aussi, l'appliquer en nous. Je crois qu'il veut revenir sur ça, vivre dans l'Esprit. Notez cela, il faut qu'on voit cela. Parce que quand il parle d'être guidé par l'Esprit, être conduit par l'Esprit, vous dites, qu'est-ce qu'il en est? Comment on va faire? Il ne s'agit pas d'écouter les prédications, vous pouvez écouter tout le genre de prédications. Lire tous les livres chrétiens que vous voulez. Sur être rempli du Saint-Esprit, comment être baptisé du Saint-Esprit, acheter ça à 5 000 francs, connaître le Saint-Esprit, remplir la plénitude du Saint-Esprit, ou finissez, même un grain n'entre pas. Parce que ce n'est pas de cette façon-là que ça entre. Vous suivez, n'est-ce pas, frère? Quand il dit à cette sœur-là et à son mari, que restez tranquille, laissez l'enfant tranquille. Maintenant, l'enfant est le plus doux de tous les enfants qui puissent exister. L'enfant, quelqu'un qui était, il prenait 25, il partait, vous savez là, les jeux là, on met, fait pour les enfants, vous savez comme les enfants jouent. Le flipper, hein. Pas tant, mais tu jouais ça. Hein? Tu jouais ça. Hein? Tu tapais comme ça, comme juste tu bougeais les pieds comme ça. Et lorsqu'on grandit dans cette société là, vous voyez que c'est comme ça qu'on est conditionné. Alors la question maintenant c'est, qu'est-ce qui dérangeait l'enfant? Pourquoi subitement l'enfant est restauré? C'est pour ça qu'il dit chaque fois, il faut regarder la cause de la chose. Quand on ne connaît pas, on va aller dans tous les sens. Donc, être conduit par l'esprit, il faut qu'on voie toutes ces choses-là. Il faut que petit à petit, on entre à ce niveau-là. Comment savoir que vous êtes conduit par l'esprit? Comment savoir? Comment savoir que tu es conduit par l'esprit? Sinon, pendant qu'on y est maintenant, écoutez très attentivement. Parmi toutes les femmes qui sont en train de jeûner ici, je vais finir d'abord avant de poser la question. Qui parmi vous a rêvé que durant cette période de jeûne, qu'elle a mangé dans les rêves? Qui a rêvé qu'elle a mangé dans les rêves? Il dit les femmes d'abord. Voilà, si vous avez rêvé, arrêtez le jeûne. Vous continuez, ça ne vous servira pas à rien. Les hommes, qui parmi vous, si vous voulez, ne laissez pas le doigt. Vous continuez, la suite, comme c'est dit là, vous continuez, c'est la grève de la faim que vous allez faire, vous allez faire la taille. Les hommes, qui parmi vous a rêvé qu'elle a mangé durant ce moment de jeûne? Si vous avez rêvé, vous êtes un homme, arrêtez le jeûne. D'accord? Le moment venu, je vais vous expliquer. Donc, il y a qui? Il faut que vous remarquez bien. Qui sont ceux-là? Toi, frère. Toi. Mais tout à l'heure, tu n'as pas levé la main. Allez, continuer à jeûner. Toi aussi, n'est-ce pas? Qui? Parmi les femmes, qui? Oui. Donc, vous continuez à... Derrière aussi, dehors. Mais quand il lève la main aussi, derrière, okay, il voit comment? On peut travailler, frère. On va parler des dons spirituels et des appels. Les dons spirituels et des appels, d'accord? Au fur et à mesure, comme les versets viendront, je vais vous les donner. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous permettez donc que je puisse parler ce soir, n'est-ce pas? Eh, mes frères, voilà. Souvenez-vous encore, les hommes, la recommandation que je vous ai donnée de l'autre côté. Ce que je vous ai demandé, que garder à part jusqu'à ce que le 1er février, n'est-ce pas? Souvenez-vous de cela. Il dit qu'on va parler des dons spirituels et des affaires. Ça ne peut, on ne peut pas finir ça aujourd'hui. Donc, il va essayer de brosser et voir ce qu'on va en parler. Notez donc 1 Corinthiens chapitre 12. Notez 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Marc chapitre 8 et 9. 1 Corinthiens chapitre 12. Remarquez bien, je suis en train de donner seulement les chapitres. Je vais seulement donner les chapitres au cas, quand c'est petit, il donne directement le verset. 1 Corinthiens chapitre 12, Luc chapitre 9, Marc chapitre 8 et chapitre 9. On va venir là-dedans. Ah, Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 8. Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 8. Chapitre 4. Mais chapitre 3, 4 et 5 d'affilée. Chapitre 3, 4 et 5. Si Dieu permet, vraiment, on va lire. Je souhaiterais prendre le temps de lire ceci pour avancer au fur et à mesure en voyant. J'ai dit Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8 d'abord, n'est-ce pas? Chapitre 3, 4 et 5. Chapitre 8, verset 1 à 10. Chapitre 9. Voilà. Pour faire, je vais donner d'autres versets maintenant. Les dons spirituels sont imitables. Les dons spirituels sont imitables. Les dons spirituels sont fabricables. Les dons spirituels sont imitables. Les dons spirituels sont fabricables. Vous comprenez ce que ça me dit, n'est-ce pas, frère? Si vous allez dans la Bible, vous allez remarquer que Satan ne peut faire qu'à partir du modèle exemplaire. Satan ne peut faire qu'à partir du modèle exemplaire. Et c'est normal. Un faux biais est fait à partir du vrai. Vous savez, si il y a un biais qui est en valeur, qui est en circulation, et que c'est le fond est vert, pour qu'on fasse un faux biais, il faut qu'on fasse avec le modèle du fond vert, avec les caractéristiques qui s'y trouvent. Si on prend par exemple un billet de 10 000 francs qui était du temps du président Amadou Ahidjo et qu'on met maintenant en circulation, même toi-même tu ne regarderais même pas. Là tu n'as pas besoin de l'appareil pour savoir que ça n'existe plus, ça n'est plus en vaut, pas vrai? Mais lorsque, il faut que tu fasses attention en surveillant, c'est lorsque ça ressemble à ce qui est dans le modèle qui fonctionne maintenant. Alors on imite cela. Alors les dons spirituels sont imitables. Si vous allez dans le livre d'Exode premièrement, dans Exode chapitre 7, vous allez remarquer quand le Seigneur envoie Moïse en Égypte, les 10 plaies. Vous allez remarquer quand Moïse fait une chose par la puissance du Saint-Esprit, l'ennemi en fait autant, n'est-ce pas? Par leur enchantement, ils font autant. Donc c'est imitable. On peut essayer de fabriquer modernement, par exemple, nous parlons des dons spirituels au milieu chrétien. Vous allez voir maintenant des personnes qui, lors des prédications, je ne dis pas tous. Il dit pas tous. Lors des prédications, il y a ce que on est entré avec la psychanalyse et les psychologues sont entrés en plein milieu chrétien où on essaie de suggérer, c'est l'autosuggestion. C'est. Donc, alors, on peut créer une atmosphère avec le style de musique et faire que l'émotion de l'homme soit touchée et qu'il y ait une manifestation. Alors on a fabriqué le spirituel. Jusqu'à ce que quelqu'un peut sortir là-bas, il se sente bien dans cette atmosphère parce qu'il est soumis à cette atmosphère. Mais lorsqu'il sort de cette atmosphère-là, la chose est tout autre. Vous suivez, n'est-ce pas? L'autre, c'est facilement détectable. L'autre, c'est facilement détectable. Vous pouvez détecter ça même sans que vous n'ayez lu la Bible. Parce que si vous avez, vous savez, on appelle ça la manipulation mentale. On peut manipuler les gens jusqu'à ce qu'ils même tombent. Mais ce que je t'en ai dit là, avant d'arriver dans l'enseignement proprement dit, c'est les choses dont les esprits sont derrière. La Bible nous dit pêle-mêle, par exemple, dans ce livre de 2 Timothée, 2 Thessaloniciens chapitre 2. Vous avez noté aussi ça. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 à 17. La Bible parle par exemple de cet homme impie qui va venir avec toute, la Bible parle de, avec toutes sortes de prodiges, de séductions, des miracles mensongers. Donc il y aura les miracles. Il y aura les miracles, mais ces miracles, ce sont mensongers. Il dit, c'est destiné pour ceux qui périssent. Donc c'est un style de miracle que les ceux qui sont censés périr qui doivent accepter cela. Or, il y aura les miracles. Vous suivez, frère? Il y aura des miracles. Et à l'heure même, il y a des miracles. Puisque la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 4, là, que si on vous prêche un autre évangile, vous recevrez un autre esprit. N'est-ce pas, frère? La Bible parle de 2 Timothée, dans 2 Timothée 3 et 1 Timothée 4, on parle des doctrines des démons qui vont venir. Donc, les dons spirituels qui sont imités en vous. Les dons spirituels qui sont imités en voûte les gens qui subissent cela et les mettent sous le coup de la malédiction. Les dons spirituels qui sont imités, pas qui sont fabriqués, parce qu'on crée avec cette atmosphère là. Vous voyez par exemple dans le moyen orient, dans le New Age, ils font les choses, ceux qui ont fait dans le yoga et la religion orientale, la foi Baha'i, ce qu'ils ont fait dans toutes ces choses, vous allez voir effectivement qu'ils font un chant harmonique. Le U. Au fur et à mesure que vous chantez comme ça, là, vous entrez en transe. Vous comprenez cela? Alors, là, l'atmosphère est saturé de ces choses-là qu'on est en train d'invoquer. Mais je n'ai pas la milieu chrétien des gens qui vont dans les ténèbres pour prendre la puissance, qui ont signé un pacte avec le diable. D'autres ont les mains changées, vous dis-je. D'autres ont les vêtements. Que vous voyez, les vêtements, c'est le vêtement, comme ils portent les vestes et autres là-bas. D'autres ont les toges. Pour l'église catholique et autres, les églises traditionnelles, l'église catholique particulièrement, vous allez voir les tuniques papales. Ou bien les autres tuniques des différentes personnes qui sont au gradé là-dedans. Vous allez voir les croix, les insignes des croix, de même distance écrits là-bas. Là. Ceux qui sont de l'autre côté savent exactement ce qu'ils ont. Pour vous, vous pouvez voir en disant que c'est la croix parce qu'il est chrétien. Ce sont les insignes kabbalistiques qui visent à le protéger des attaques. Les bagues sur lesquelles les gens viennent pour faire, se prosterner, faire bisous, le style des pierres précieuses qui est faite là-bas, est faite en connexion avec un style de démon particulier dans une planète. Le jaspe est lié avec autre chose, le chrysolite est lié avec une planète et il y a un démon à cause de lui. Donc quand tu viens, tu te prosternes, tu baises, ça veut dire que tu t'adores à ce démon-là. Le style de camp qu'il porte avec la tiare, quand il porte cela, les attributs qu'il porte, là, ce n'est pas la personne que vous venez de saluer. Donc ce sont les choses qui sont sur eux avec ces esprits-là. Et par conséquent donc, il y a dans le monde des ténèbres les pasteurs. Nous sommes au milieu réveillés là-dedans. Des pasteurs qui revêtent de cette autorité-là. Vous ne pouvez pas les voir physiquement. Parce que, dit que si vous voyez votre pasteur, il porte les grosses bagues. Il peut plutôt avaler la bague maintenant. Si on leur a donné la bague, comment vous allez savoir que la bague se trouve en eux? Vous voyez là où l'humanité se trouve maintenant, n'est-ce pas? Voilà le camp chrétien se trouve. Il y a des pasteurs qui ont plutôt un style de parfum, qui pulvérisent, un style de savon. Enfin, d'autres, il y a des boutiques là-bas où il y a les savons qu'on vend. Les savons, ils vendent. Ils se oignent avec. Ils accomplissent des miracles avec. Alors, les personnes qui tombent sous le coup de ces styles de personnes sont envoûtées plutôt. Parce que Satan ne te délivre pas, il envoûte. en changeant ou bien en augmentant ton épreuve. Si le Fils vous affranchit, si le Fils vous affranchit, vous serez. Donc, si ce n'est pas lui, vous n'êtes pas. Alors, toute personne qui va chez le marabout, vous savez, vous voyagez dans les voitures, par exemple, on vous donne les produits, on dit que ça, ce sont. Je suis un naturopathe. On travaille avec les plantes. J'ai fait mon étude en Inde. Il y a l'université des herbalistes, frère. Il y a l'université des herbalistes, des herboristes. La composition qu'on écrit là, au-dessus, on ne vous dira jamais. Parce que supposons qu'on fasse un autre avec l'ossement humain, ou bien avec l'appareil génétique de la femme, on met à l'intérieur comme produit. On écrira là-bas. Vous êtes fichu. Soumettez-vous au Seigneur, tout simplement. Soumettez-vous au Seigneur. Il y a des choses que je ne vais pas parler maintenant. Le mois arrivé, il y a encore une autre série, au moins de un mois qu'on va parler, concernant les délivrances des maraboutismes. Vous savez, j'ai cette pression, je ne sais pas si on va continuer dans cet enseignement ou bien dans notre direction. Je suis en train de chercher comment il veut faire ce soir-ci. Mais il faut qu'on parle des dons spirituels. Alors les dons, les marabouts eux-mêmes passent par des expériences mauvaises où ils cherchent à s'en sortir. Un marabout, enfin, il ne peut pas vous dire parce qu'ils sont tenus par le secret professionnel. Vous savez, il y a un secret professionnel partout. Si le frère vient me consulter en disant que frère Junior, voici mon problème, d'ordre privé, je ne peux pas raconter son histoire à quelqu'un d'autre. Les médecins sont tenus par ces secrets-là, vous voyez. Les marabouts, c'est comme ça. Lorsqu'il fait le hôte, quand il fait le hôte, le serment, quand il fait le serment, il est tenu par le secret. Donc, si tu viens vers le marabout, il va te dire, je vais te trouver la solution. Il ne te dira jamais que la solution, là, c'est les esprits. Il ne te dira pas que le remède, ce qu'il fait comme ça, ce sont les esprits. Parce que l'ordre qu'il reçoit, il parle de don spirituel, là. L'ordre qu'il reçoit vient du monde spirituel pour qu'il puisse tout faire. Alors, si tu pars chez un marabout, il te donne quelque chose, tu sens qu'il y a le relief, tu es un peu bien. Tu viens d'être possédé encore. Donc, en réalité, ton problème n'est pas résolu, tu as ajouté le problème. Ce n'est qu'une question de temps. Alors, les marabouts, s'ils sont honnêtes, c'est parce qu'ils sont tenus par les secrets professionnels, ils te diront que si le gars se pouvait savoir que moi j'ai plus de problèmes que lui. Que si cette personne qui est devant moi pouvait savoir que j'ai de plus de problèmes que lui, parce que beaucoup se rendent compte qu'ils sont enfermés, et parce qu'ils travaillent avec les esprits, ils savent que c'est réel. Mais voici la pierre d'achoppement, c'est pour ça que je vais parler de dons spirituels, c'est qu'ils se rendent compte que les pasteurs eux-mêmes viennent les voir. Voilà là où le problème avance. Vous me suivez, frère? Lorsqu'un marabout a déjà reçu dans son hôtel un pasteur qui cherche la puissance pour faire des miracles, et que le marabout, lui, sachant que ce qu'il fait là n'est pas bien, dans son esprit, il sait que ce n'est pas bien parce que ce sont les démons. Il donne les démons des tourments. Et tout en fait, les marabouts savent, même dans sa famille, autour de ses alentours, rien ne marche. Alors la question maintenant, c'est quand le marabout a cherché la solution, vous pensez qu'il va penser au pasteur? Vous pensez qu'ils vont penser au pasteur? Puisqu'il dit que les pasteurs eux-mêmes viennent chercher la solution ici, ça crée une pierre d'achoppement pour lui. Il va chercher les solutions partout sauf vers le pasteur. Pourtant, c'est le Dieu des pasteurs en principe qui est le Dieu tout puissant. Mais à cause de l'inconsistance de notre foi, à cause de la convoitise et de se mettre en avant, comme je dis ici là, on va prendre les dons spirituels entre guillemets dans les ténèbres pour venir au milieu chrétien. Je me souviens quand je suis allé en consamba là-bas pour prier, il y a un autre pasteur qui avait le mal au pied. Le pasteur disait que c'est le pasteur précédent qui avait planté le remède là-bas. Et le pasteur là, je ne peux pas parler, c'est là comme on arrive là. Le pasteur là dit, allez aussi prendre un marabout pour que le marabout vienne déterrer ce que l'autre pasteur qui est on a affecté avait planté qui fait gonfler son pied. Et le dimanche, le marabout là vient, il est à la première place parmi là où il y a les anciens en blanc. Ah, on met le cantique, on chante gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il chante, le musicien qui fait la même comme ça. Père, écoute ta voix, gloire à Dieu. Voilà l'église de notre époque. Pourquoi il fait toutes ces choses? C'est que tout simplement pour qu'on se réveille, on va dans le bon endroit. Si on a le vrai, pourquoi imiter le faux ou bien pourquoi chercher le faux? Si le vrai est disposé et que c'est gratuitement qu'on obtient, pourquoi aller là où on va dire les cimetières, donne ton enfant, et même quand il signe. Et même quand on passe signer ces pactes-là, on ne vous dit pas que il y a quelque chose devant qui t'attend. On te dit non, donne tout simplement un sacrifice de chèvre. Quand on commence par chèvre, on va finir par quoi, frère? Faisons attention. Qu'est-ce qui conduit ces pasteurs-ci à vouloir aller chercher de quelque part d'autre? 1. Il n'a pas été appelé de Dieu. Il n'a pas été appelé. Je sens de parler ici parce que c'est le pied d'achoppement. Parce que lorsqu'on va voir que c'est un pasteur qui vient, on va penser que tous les pasteurs sont comme ça. Parce que les pasteurs de Dieu écoutent la voix de Dieu. Quand ils écoutent la voix de Dieu, Dieu les dirige. Parce que comment tu peux être pasteur sans don spirituel? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Comment tu peux être pasteur sans don spirituel? Il y a un don correspondant au service. Il y a un don, c'est pour ça que vous voyez maintenant, il y a une migration des titres maintenant. Une migration, je dis bien une migration, une flux migration, un exode des titres. Les pasteurs sont en train de définir les prophètes. Pourquoi? Parce que les prophètes, c'est on appelle en anglais tales. Ils disent des bonnes choses, des bonnes aventures. Ils disent des bonnes aventures. Il va dire des choses pour que les gens. Parce que vous n'allez jamais entendre au milieu chrétien qu'on ne vient pas chez le pasteur les mains vides. On ne vient pas chez le prophète les mains vides, c'est chez eux. Oh, par conséquent, s'il fait comme ça, le seul fait de venir le voir, vous avez d'abord une enveloppe à déposer. Où est la malédiction, frère? Donc, les pasteurs appelés ne peuvent pas faire de telles choses. Et par conséquent, donc, eux n'ont pas bloqué, ne sachant pas qu'en allant comme ça, ils sont en train d'essayer, ils quittaient le camp de Satan vers un autre. Alors donc, beaucoup de pasteurs se trouvent dans notre milieu, ayant hérité des ténèbres. Beaucoup de pasteurs. Et ce n'est pas physiquement donc que vous pouvez le reconnaître. Parce que Satan est assez sage ces derniers temps-ci pour ne plus faire des choses ouvertement. Vous comprenez, frère? Alors, il faut qu'il passe maintenant par son principe, son arme fatale, la séduction. Il y a des noms de pasteurs envoyés en mission en milieu chrétien. Il est temps qu'on se réveille. Il y a des lèvres par ici, hein. Je comprends ta position. Donc, je crois que très souvent, il faut qu'il vienne par ici. Maman Véro a une position. Je ne comprends pas pourquoi elle est toujours ici. Donc, quand vous êtes par ici, le vent passe comme ça. Là. Ici, elle a la clim, ici, elle a la chaleur. Nous avons vu que Dieu te bénisse. Donc, elle connaît les positions de la maison. Donc, il y a les pasteurs qui sont envoyés en mission en milieu chrétien. Par conséquent, tous ceux qui cherchent les miracles et non le Seigneur vont tomber sur leur coup. Je suis en train d'avancer doucement. On va mettre les dons spirituels. Donc, n'essayez pas de dire que. Écoutez très attentivement. N'essayez pas de dire que si vous voyez faire comme ça, c'est qu'il n'est pas un homme de Dieu. Il n'y a pas un verset qui dit que si vous voyez faire comme ça, il n'y a pas ça. Vous suivez, n'est-ce pas? La seule chose que vous devez savoir, c'est 1. Maintenant, ils sont assez sages maintenant pour coder bien l'écriture. C'est-à-dire pour citer bien l'écriture. Parce que Satan, quand il est venu vers Jésus pour le tenter, il n'a pas tordu les écritures. Il a dit, il est écrit à ton sujet, il enverra les anges qui te portent sur leurs pieds. Il n'a pas fait d'erreur là-bas. Donc, il peut citer l'écriture étant droit. Alors, citer l'écriture étant droit ne fait pas toujours toi un serviteur du Seigneur. Vous voyez le danger qu'il y a de travailler dans ce ministère, c'est sans l'esprit, n'est-ce pas? Alors, imaginons un pasteur à qui on a donné la main maintenant. La main, c'est la main du serpent. Quand il tend sur le serpent, il vient, tu dis, oh, pasteur, il souffre trop. Il dit, Mougou, il met sur toi. Quand il met sur toi, le serpent lèche ton cerveau, tu es entré dans ce royaume-là. Tu vas rentrer momentanément, tu vas entendre, comme les femmes sont trop fortes, tu entends, j'ai la chair de poule. Normalement, le serpent est glacé, c'est normal. Chacun voit le serpent et la chair de poule. Le Saint-Esprit ne donne pas la chair de poule. C'est l'esprit de paix, de douceur, qui vient pour établir le règne du Seigneur Jésus sur les cœurs. Donc, les miracles qui enfin, si vous êtes guéri avec le Saint-Esprit, même si vous n'entendez pas sa voix audiblement dans votre cœur, il met la tristesse, le trouble dans votre cœur quand vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas de lui. Ce qu'on appelle l'homme intérieur commence à être mal à l'aise, triste. Juste pour que vous compreniez que quelque chose ne va pas. Je crois qu'il est temps vraiment qu'on parle de marcher selon l'esprit. Il ne s'agit pas que le problème que la personne fasse des fautes ou quoi que ce soit pour être serviteur de lui ou serviteur du diable. Parce que je recommence encore, quand Judas partait prêcher, il ne faisait pas d'erreur doctrinale. Judas Iscariote, quand il prêchait, il ne faisait pas d'erreur doctrinale. C'est catégorie par catégorie. Il y a d'autres qui vont prêcher bien, mais étant du côté du diable. D'autres qui viennent, comme la Bible déclare dans 2 Timothée là-bas, qu'ils vont enseigner les doctrines des démons. Donc il y a des indicateurs sur la terre que ce sont les pasteurs qui sont des démons venus dans la chair pour prêcher les doctrines démoniaques. Ça, on peut carrément voir ça clairement là maintenant, manifesté avec ce qu'on appelait les doctrines de prospérité. Même si vous dites n'importe quoi, même si vous mettez Jésus par la suite, on n'a pas dit que tous les doctrines qui vont prêcher, c'est pour le diable. Avec les doctrines, nous disant qu'on a fait quelque chose. Vous voyez? Donc faisons attention. Nous sommes parlé des dons spirituels. Je crois que si l'enfant se dérange, donnez-lui du pain là, parce qu'il sait que normalement, vers 7h, là, on voit la bouillie ici. Il est surpris là que depuis là, on ne fait que bavader. On fait que bavader, on ne voit pas la bouillie passer. Alors il demande que. La bouillie n'est pas finie. Vous savez, au lieu de se voir. C'est ça le problème. La seule, c'est que souvent, je salue comme ça quand c'est fini. Et donc, j'espère que c'est pas fini parce que l'enseignement, là, bon, il faut pas arrêter l'enseignement à cet endroit-ci, là, comme ça. Là. Ton mari va bien? Vous savez, vous pouvez être habité par quelque chose que vous ne savez pas. Vous savez ça, n'est-ce pas? Vous pouvez être habité par quelque chose que vous ne savez pas. Il y a une soeur qui est venue la dernière fois à la maison. Quels sont ceux qui étaient là-bas pendant qu'on priait la dernière fois où il parlait de quelqu'un qui, comme étant à l'aéroport, qui était à la maison? C'est dimanche. Quand il parlait, une personne qui était au sol qui disait, ça c'est le roi Charles de Gaulle, que tous les avions passent là-bas. Tu étais là aussi. Pourquoi tu étais là? Tu as seulement entendu, pourquoi le dimanche là. Donc, lorsqu'on prie, et puis, par la suite, j'ai regardé quelque chose qui est sorti de son ventre. Ça, c'est après la prière. J'ai vu dans cette vision-là, un bout de c'est un objet noir qui a deux fils. Vous savez, la personne est au sol. Après, comme son mari était là, comme je sais faire les choses, son mari était là. Dès qu'on finit de la délivrer, son mari rentre à la maison. Le dimanche d'après, elle vient. Je lui dis... Quand tu étais sorti, tu faisais quoi? Il dit qu'elle n'a jamais été au sol. Son mari dit que je lui dis à la maison, elle discute. Ouais, donc elle est au sol, elle ne sait pas qu'elle est au sol. Elle discute, elle dit qui? Dieu merci, pendant qu'on allait les prier, quelqu'un avait pris le téléphone, commençait à filmer. Lorsqu'on a mis là-bas, elle a ouvert la bouche comme ça, que c'est qui? C'est comme ça. Et c'est elle qui était au sol. Alors il y a quelque chose, un instrument dans son ventre. Parce que le Seigneur m'a montré, jusqu'à, j'ai vu son village, j'ai vu les tôles, j'ai vu les gens, et positionnés, et comment c'est arrivé. C'est un objet qui est dans son ventre avec un fil noir. Entre les deux sont entrés dans les deux ça s'appelle les ovaires, les trompes, et c'est en train de piquer. Lorsque ceci pique, vous allez physiquement dans le monde où vous mettez le truc. On va parler des myomes. On va parler des. Il y a un autre nom là encore. Les fibromes, les kystes ovariens. Pourtant, c'est une chose qui est... Si vous pouvez filmer, puis je dis, si vous voyez cette chose, je dis, voici la chose qui était là, parce que j'ai vu le bout du film, parce que dans cette vision-là, j'ai prié, tout ça a touché. La chose était un objet, mais vivante. Vivante. Vous savez, vous touchez un câble, ça vous frappe, par exemple, un câble de courant, ça vous frappe. J'ai touché cette chose dans la vision, arrêté, c'est entré dans ma main, j'ai enlevé, arrêté, si j'ai enlevé, entré. Et puis maintenant, elle revient, maintenant, elle dit, on est parce que quand elle est rentrée à la maison, poum, quelque chose de noir est sorti dans son ventre. C'est tombé. Mais elle marche avec cela comme ça, un être humain marche comme ça, elle souffre. Un de ces garçons là était venu, je crois que c'est là 3 ans, avec sa maman, il l'a vu. Lui, il toussait seulement. C'est un garçon brun. Je crois que celle-ci et son mari doivent connaître celui-là. Brun. Lui toussait seulement, il toussait. Quand j'étais en train de prier pour lui à la maison, j'ai vu que dans sa poitrine se trouve la souris. La souris frère, la souris, pas la souris morte, la souris vivante. Mais vous allez à l'école, à l'hôpital, vous faites le diagnostic. Donnez de la nourriture à cet enfant, c'est il mange. Vous allez à l'hôpital, vous faites le test de crachat, vous voyez, on dit tuberculose. Ça, c'est le nom scientifique. Mais ce qui est là-bas, vous prenez le remède de la tuberculose, n'importe comment, ça ne marchera pas. C'est la souris qui est dans son ventre. Parce que j'ai vu dans cette vision-là, pendant que j'ai mis ma main sur sa poitrine, j'ai vu la souris sortir. Donc, c'est quelque chose qui est envoyé, c'est une maladie qui est envoyée. Comme pour la sœur, c'est un objet qui était là-dedans. Donc, les choses qu'on peut prendre chez les marabouts, là, je ne sais pas comment je vais avancer ici, maintenant, ce soir. Je suis en train de vouloir parler des dons spirituels, mais je suis quelque chose de me trouver, mais je ne sais pas comment je vais commencer. C'est pour ça que je suis en train de vous dessuiver seulement. Viens, ma soeur, viens, on va causer. Dépose ton cahier. C'est elle seule maintenant qui peut décider de fermer la bouche. Si elle ferme la bouche, je continue dans les enseignements. On va ouvrir la Bible, on va lire. Ah. Viens jusqu'ici. Mets ta main sur ton ventre comme ça. Ici. Mets ta main. Qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre? Tu n'as aucune idée. Vous vous souvenez qu'une ou deux fois, c'est quand je vous avais dit, restez tranquille jusqu'à ce que je pointe. Que restez tranquille, vous vous souvenez? Elle était debout, pas vrai? Après la prière, qu'est-ce qui s'est passé? Vous lui avez donné le béni à cet enfant-là. Quand tu rentres, qu'est-ce que tu as expérimenté? Bon, j'ai eu très mal au ventre ce soir-là. Et après, ma robe m'a purgé, c'était tout. Je n'ai fait pas de ça avec les bouches. Donc, ça a purgé. Mm-hmm. Et c'était. Les douleurs étaient de part et d'autre. Bref, sur le bas-ventre. Sur le bas-ventre. Tu n'as aucune idée de ce qui arrive. De ce qui se passe là-bas. Merci. Tu veux qu'on parle? Oui. Je veux d'abord que tu passes à lui chaque fois, chaque soir, puis tu reviens me trouver ici. Tu es prête vraiment à parler? Et au fur et à mesure, il pose les questions, tu vas me répondre, n'est-ce pas? Salut tous les frères. Donnez les beignets aux enfants qui sont là-bas pour que les enfants ne bougent pas. Tu es toi calme, non? Tu es une fille vraiment normalement calme. Ça. Miséricorde des miséricordes. Parce qu'il dit bien, voici un être humain par exemple qui marche avec la souris dans la poitrine. On va lui donner le comprimé. On va dire que il faut prendre ses comprimés pendant 6 mois. Tu vas prendre le comprimé. Ces comprimés vont aller créer des problèmes dans les intestins et dans le rein. À cause de ces excès chimiques. Tu prends le compromis, ça fait encore davantage. Un temps le sang sort. Tiens, salut celui-ci. Salut, Lé. Donc, maintenant, je vais le calmer le plus possible pour qu'on soit concentré sur elle, sur son cas. Donnez les beignets aux enfants là pour qu'ils mangent, pour qu'ils ne dérangent pas à ce moment-ci. Que Dieu vous bénisse. Donc, vérifiez également que le téléphone soit fort. Il ne veut pas les distractions. Si ça dérange, je vais la laisser tranquille, continuer dans cette direction-ci. Je ne sais pas si on peut avancer jusqu'à un certain niveau. Mais si je vois qu'elle est bloquée, je n'avancerai pas. C'est à elle de voir maintenant. Donc, tu dis, ici, dans ce ventre, ce que sont de regarder, tu ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Vous entendez ce qu'elle dit là? Oui. Dis-lui alors de parler à haute voix. Toi et moi, on va regarder dans la même direction maintenant, d'accord? D'accord. Le verre, c'est... ce qu'on appelle verre de femme, c'est quoi? J'ai souvent entendu parler, mais je ne peux pas expliquer clairement de quoi il s'agit. Mais concernant toi, comment ça se manifeste? Je n'ai jamais eu ça. Déjà. Ok. Maintenant, regarde bien attentivement. Ta marche, ça c'est avant de connaître le Seigneur. On peut parler librement maintenant. On peut parler. Tu veux qu'on parle, ma soeur? Oui, dans ton ventre, il y a un être qui habite là-bas. Regarde, on l'a effleuré. Et c'est venu par suite d'un acte particulier. Un acte particulier. Je veux que tu commences avant qu'on avance. Un acte particulier qui a amené ceci. Le but de ceci, c'est pour que vous compreniez ce qu'on a dit ici, que vous devrez être réellement libre. Avec ça, elle va devenir une initiatrice. Avec ça, à un moment donné, elle va commencer, comme elle a migré en milieu chrétien, elle va commencer à avoir des visions. Avec ça, elle va commencer à avoir les révélations. Et ça va la conduire dans la Bible. Et quand, comme le fait que ça va utiliser le verset biblique, elle va croire que c'est le Seigneur qui en a de faire, alors que c'est un autre être. Avec ça. Alors maintenant, elle se tient devant nous maintenant. Comme je vous disais tout à l'heure, là, que vous avez un pasteur devant vous. Comment au monde vous allez savoir qu'il y a un problème? Comment, en regardant cette sœur, vous pouvez savoir quel est le problème? Maintenant, on va retourner maintenant. On va faire le... Vous savez, quand le film finit, vous rentrez en arrière. Donc, avançons. C'est un acte qui a amené ceci. C'est un acte. Qu'est-ce qu'on recherchait pour arriver à cet acte? Je veux qu'on en parle parce que ça va nous amener partout, d'accord? Donc, toutefois, mon frère, je sais que quand j'étais encore enfant, nos parents nous amenaient chez le marabout. Non, pas l'autre là. C'est pas ceci. Qui est-ce qu'on n'a pas amené chez le marabout? Si on n'était pas amené chez le marabout, c'est que tu es né en France. Même en France, maintenant, ça va. Même en France, maintenant, vous savez, il y a les marabouts qui ont émigré vers la France. Ils écrivent Baba là-haut. Là, maintenant, il fait ça, maintenant, il a le carreau. Ils ont quitté le tourtis. Maintenant, ils sont dans les maisons en étage. Mais ils ont des mêmes courriers. C'est pas ça ici là. Tu as les Rasta ici. Il est bien dit, si elle ne parle pas, je vais arrêter, je vais avancer. Et on va avancer jusqu'au jour où elle va en parler parce qu'il faut qu'elle parle. Lorsqu'elle va toucher ce qu'il en est, je vais avancer maintenant en posant la question dans ce domaine-là. Ici, tu as les Rasta. Et ces Rasta, si on ne t'a pas imposé, tu l'as fait toi-même. Donc, ce n'est pas l'étape d'enfant ici. Bon, je sais que j'ai fait aussi dans le cinéma pendant longtemps. Voilà, nous touchons le domaine. Alors, ceci t'a conduit quelque part. Et étant dans le cinéma, je n'ai pas fait une pratique quelconque. Je faisais aussi comme ça. Je n'étais jamais dans une chambre noire ou bien. Il y a un acte qui a amené ceci. Un acte. C'est ma soeur ici. Hein? C'est la soeur de qui ici? C'est ma soeur. Qui est ton frère ici? tout ça me fait. Tu peux les préparer la bouillie, Marie. Elle le coiffe, hein? Il dit quoi? Comment on peut expliquer la présence de cette chose ici, là-dedans? Il dit c'est un acte qu'il a amené. Cet homme, ce que j'en ai regardé, ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Ce n'est pas un simple frère. Et nous concernant côté cinéma, mon frère. Le cinéma, c'est une chose, mais ça a un trait d'union avec le cinéma. Cet acte, c'est l'acte. Donc, je suis en train de doigter. Mais je suis en train de parler des à côté. Pourquoi tu as dit que, je me souviens que quand j'étais petit, on nous a amené chez le marabout. Ceci n'a rien à voir. Même moi-même, quand j'étais petit, ce qui s'est passé, on était trois à la maison. On était trois petits enfants comme ça. Il y a les marabouts qui sont venus. Il y avait l'autre dans ses yeux, regardait à 15h, l'autre comme ça. Donc, elle te regardait comme ça. Tu ne savais pas que c'est toi qui as regardé ou c'est elle qui a regardé par là-bas. Donc, quand elle fait comme ça, pam, l'autre, elle, donc quand tu es par là-bas, l'autre te regarde. Tu es pas ici, ça te regarde. Vous savez que si elle fait comme ça, vous savez que je suis en train de vous regarder. Mais si elle ne fait pas comme ça, vous savez que ce n'est pas vous. Mais son œil était comme ça. Donc, quand il faisait ça, tu ne sais pas. Souvent, il passait comme ça, il voyait. Ses yeux étaient toujours comme ça. Alors, quand elle est venue, elles étaient deux comme ça, ils étaient en train de jouer. Il y a des choses dans votre vie, je ne sais pas si c'est la même avec vous. Dès l'enfant, je savais d'où je venais. Et je savais que j'étais là pour une chose. Alors, la femme, elle fait avec les choses là-bas parce qu'on nous a amenés dans la maison, parce qu'on a dit qu'il y a les gens au quartier qui tuent les gens, on amène. Elle, au lieu de faire ce qu'elle a à faire, elle regarde ce match. Je regarde tout le monde, mais elle regarde comme ça. Elle regarde, elle dit que l'autre dit, elle dit à l'autre que tu as vu l'autre petit là. Quand il dit, je me tourne, je la regarde comme ça, elle dit que c'est les deux bouches à terre comme ça. Elle dit que je crois que toi, tu n'avais pas vu. L'autre dit, c'est quoi? Elle dit, c'est en pidgin qu'elle dit. Je vous laisse le soin d'interpréter comme vous pouvez interpréter. Mais je vais citer ces paroles. Ce n'est pas à moi de vous interpréter cela. Elle dit, that one, not ricona. Donc, ça ne m'a jamais quitté. Et je dis, celui-là, n'a tricona. Donc, c'est la phrase qui est sortie de sa bouche. Ça, je suis petit. Donc, c'est gardé là. Donc, c'est là, c'est gardé. Je vous ai dit l'histoire de ma tante qui était. Vous savez, je suis en train de parler comme ça, je suis en train de prier pour elle. Pour que le Seigneur vous lui donne. C'est pour ça qu'il parle cette histoire-ci. Il parle comme ça avec vous, tout en priant pour elle, pour que ça lui rafraîchisse la mémoire. Parce qu'il faut être courageux pour l'acte-ci. Je ne peux pas mentionner là jusqu'à ce qu'elle en parle. Et vous avez dit, quand j'avais, nous avons eu 2 ans, j'ai vu ma tante se coucher là, comme ça, elle était morte. Et j'ai vu son. Et je l'ai vu debout. Elle s'est tournée, elle a regardé son corps, elle a sauté, il y avait la pluie qui tombait comme ça, la lave d'eau. Elle a fait comme ça. Sauté comme ça, elle esquivait la pluie, elle a disparu. Ça, c'est 2 ans. Cet acte-ci, cette personne-ci n'est pas conventionnelle. Si vous pouvez expliquer parce que moi je me rappelle de rien. Tu fais exprès ou bien tu fais exprès? Loin de là. Ne pas me rappeler, ne pas dire. Bon. Je vais dire ça, comme il y a des enfants, je vais dire ça un peu codé. Mais comme ceci, je ne comprends rien. L'acte dont je suis en train de parler, c'est un style de rapport sexuel. Ce n'est pas le rapport sexuel en somme qui est le problème, parce que dans le monde, le rapport sexuel est déjà illicite. Vous me suivez, n'est-ce pas? C'est le style de la personne qui se trouve en face. C'est ça dont je veux parler. Je veux qu'on identifie cette personne-ci et je veux en dire, donc parle à ce qu'il en est. Donc maintenant, ça devrait être clair, parce que ce n'est pas un cas où tu es dans le sommeil ou bien un cas où tu es dans le vol, comme cet enfant, ce qu'on ne peut pas, qu'on peut oublier. Peut-être même un enfant, quand il grandit, il connaît. Donc ici, il y a quelque chose. Allons-y, parle maintenant. Il ne peut plus avancer. Donc, à cause de cette situation, vous voyez, je me promenais dans la salle comme ça, parce qu'il savait que quelque chose n'allait pas. Il dit, il faut que on essaie de repérer ce qu'il en est. Et l'autre soeur a dit que c'est ceux qui saluent comme ça que c'est déjà fini. Parce que traditionnellement, quand on salue, ça veut dire que c'est quand on a déjà fini. En fait, dans le monde, j'ai eu pratiquement 5 à 6 petites amies. Mais même avant de faire dans le cinéma, j'étais déjà mariée. Et depuis que je me suis mariée, je n'ai pas connu un autre homme, en fait. Et étant dans le cinéma, j'étais déjà mariée. Il dit que je ne parle pas de la fornication ou quoi que ce soit. Je parle de... C'est une personne. C'est cette personne, c'est qui nous intéresse. Cette personne, c'est... Comment tu ne me poses pas de questions? Moi, je parle seulement, j'essaie de parler seulement. Il dit, cette personne, si nous intéresse, c'est la personne qui nous intéresse, pas l'acte. C'est l'acte. Tout ceci, il y a des gens qui ont le diplôme de fornication. Le diplôme, fin de formation, terminale, c'est en fornication. Donc, ce n'est pas ça le problème. Je suis en parler de là. Parce que quand, lorsqu'on va toucher son cas, il va expliquer maintenant quelque chose, on va avancer. Pourquoi on en finisse avec ceci? C'est un peu comme le cas de la jeune fille qui est assise là-bas. Le jour qu'elle va se réveiller, on va avancer. Je ne peux pas faire autrement. Ou bien, si tu ne te rappelles pas, tu peux t'asseoir, j'avance là. On continue avec le don spirituel. Pourquoi tu m'as posé la question? Un marabout, pourquoi? Bon, parce qu'au départ, j'ai voulu toucher ce côté marabout. Vous avez dit non. Que ce n'est pas sur ce non, côté. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, je me rappelle que quand j'étais petit, on m'amenait chez le marabout. J'ai dit que non, je ne veux pas que tu me dis qu'on t'amenait chez le marabout quand tu es petit. Le fait qu'on t'amène chez le marabout, c'est autre chose. J'ai dit que c'est l'acte qui nous concerne et la personne qui fait l'acte. C'est ça dont il est question. Et là, tu es conscient. Non, c'est justement ce point que je voulais toucher parce que mon père était encore tout jeune. Mm-hmm. J'ai chopé une grossesse quand on m'a amené chez un marabout et il a essayé de faire des pratiques sexuelles sur moi. Non, on va aller doucement. D'accord. Mm-hmm. On va aller doucement. J'ai dit qu'il y a un acte qui s'est passé. C'est la personne qui nous intéresse. Allons-y doucement. Tu veux qu'on en parle? Oui, parce que le problème vient d'ici. J'ai bien dit que là. Parmi les femmes. Va t'asseoir, ma soeur, va t'asseoir. 1 Corinthiens chapitre 12. Lisons 1 Corinthiens chapitre 12. Bon appétit, mon garçon. Ça va? Ça va bien? 1 Corinthiens chapitre 12. J'ai l'impression que quand vous gênez là, vous n'entendez plus bien. Oui, il fait l'effort de poser la question. Il fait l'effort d'être clair. Je pose la question maintenant. Il dit que parmi les frères, parce qu'il a pointé mon main comme ça. Donc c'est parmi vous dont le problème. Eh, ma frère. Hein? Comment? Elle est fatiguée. Tu es sûr? Elle n'a pas compris qu'il s'agissait de. Parce que tu es fatigué. Viens, viens. Ne pleure pas. Vous pensez que c'est du jeu qu'on est en train de faire? Ils sont d'enseigner ici, ils sont en train de m'amener dans cette direction et je viens vers la personne, je viens parler. Vous savez, voici un exemple. Verset, si je suis allé, il dit quelque chose. Elle me regarde comme ça, elle me regarde. Et quoi que c'est le jeu? Et quoi que c'est le jeu? Quand ça va prendre, bam! Peut-être que je ne serai plus là, vous allez aller voir le conducteur là-bas. Donc allons-y, parlons dans cet acte-ci. Quelque chose t'a amené chez lui. Et dans une autre langue, on va dire que ça c'est la peur. On va dire que il a abusé. Donc quelque chose s'est passé. Allons-y, explique alors. Quand ils sont parlé, quand ils pointent le doigt ici, ce n'est pas sur eux que sont pointés le doigt. C'est sur cet acte, c'est la chose dont ils sont parlé. Donc si tu veux, ils parlent comme ça. Comme ça, ils ne mettent plus la main. Comme ça, tu vas dire que c'est dans mon ventre. Donc ils sont dit, il y a un acte qui se pose. Parce qu'on a de parler de ce qui se trouve ici, n'est-ce pas? Pourquoi tu pleures? Tu ne veux pas qu'on en parle? C'est quoi alors? Ou bien je ne te comprends pas. Hein? Ou bien tu ne me comprends pas? Oui. Tu ne me comprends pas. Toi tu ne me comprends pas ou bien moi je ne te comprends pas? Tu ne me comprends pas. Ok, essaie de t'expliquer à le mieux que je te comprends. Parce que tout ce que vous expliquez, je ne me retrouve pas. Bon, je t'en ai dit, il recommence encore. Il y a un rapport sexuel qui s'est passé. Ici, ce n'est pas le rapport sexuel qui est le problème. Parce que pour le rapport sexuel, on en connaît. Tout le monde fait le rapport sexuel, la fornication. C'est naturel chez le mondain, un peu comme le chien va avec le chat. Le chien va avec le chien, ça. Alors, ce que je lui dis maintenant, c'est que c'est la personne. La façon que je mets là, vous rentrez dans. tu rentres seulement dans ton passé sexuel, tu vas savoir qu'il y a une personne dont il y avait problème. Sous d'autres cieux, il n'expliquerait même pas comme ça. Parce qu'il dit, il y a un acte qui s'est passé, c'est la personne qui nous intéresse, c'est la personne qui nous intéresse. Un personnage qui n'est pas conventionnel, qui n'est pas normal. Normalement, tu devais savoir, parce que les autres, tu étais consentant. Les autres petits amis, tu étais consentant. L'autre aussi, tu étais consentant. En dehors du père de ma première fille, il n'y a jamais un homme qui m'a violenté. Rentrons dans le cas, sinon. Donc, quelque chose s'est passé pour que le truc s'y reste là-bas. Et ça vient de cette personne, ce qui n'est pas conventionnel. Parle alors maintenant. Tu m'as compris maintenant. Et ma chère. Parce que je veux dire, tous ces petits amis dont j'ai cité, il n'y a aucun que je l'ai vu avec les cons, c'était des hommes normaux, mon frère. Je ne parle pas de tes petits. J'ai l'impression, la dernière fois, je crois que je vais quitter la scène, c'est avec ces cas-là. Je suis en train de parler de cet homme-ci. L'homme, ça n'a rien à voir avec les petits amis, ça n'a rien à voir avec tes petits amis que tu as eu. C'est cette personne-ci qui a les choses. Voici les choses chez lui. La maison est bizarre, l'intérieur de la maison. C'est mieux que c'est ce marabout dont je parlais tout à l'heure. J'ai l'impression que je parle c'est en bosniaque que je suis en train de parler. C'est en bosniaque que je suis en train de parler. Je veux qu'on entre chez lui, on en parle. C'est de ça que je suis en train de parler parce que c'est que c'est là-bas que ces choses-ci a commencé. Mais c'est quand même terrible ça. Quand j'étais entré là-bas, il y avait des cailloux, l'arbre de terre à l'entrée, le ciel rouge et tout. Il n'est pas allé à ton problème, il a fait autre chose, il a voulu faire autre chose, il a dit autre chose qui n'avait même rien à voir le problème, c'est pourquoi tu es venu là-bas. Bon, quand je suis arrivé, je lui ai dit que j'étais enceinte et que je voulais me débarrasser. Il m'a demandé qu'est-ce qui certifie que j'étais enceinte. J'ai fait un test de grossesse et que ça certifie que je suis enceinte. Il a fait des pratiques sexuelles sur moi, il m'a demandé de retourner. Stop là-bas. Je dis que je ne sais pas si vous voulez. Quand il vous dit chaque fois qu'il veut bloquer ces choses, s'il vous enseigne la parole, vous allez me donner raison, pas vrai? Ma soeur, je veux qu'on aille doucement. C'est pour ça qu'il pose la question. Quand c'est délicat, c'est pour ça que j'essaie de voir si la personne est consentante. Parce que si il regarde, pourquoi ça se passe ici? Parce que il y a des choses. J'ai dit tout à l'heure là qu'on va enseigner sur le truc des marabouts au moins pendant un mois. Le monde va venir, vous allez voir ces choses-ci. Il y a des choses que. On doit traiter avec la plus grande rigueur pour que les gens en reçoivent instruction. Il y a des choses qu'on n'a pas fait avec cachotterie, parce que si tu fais avec cachotterie, tu es en train de tenter le diable. Il est susceptible d'être rapproché par là-bas. La Bible déclare donc qu'il est honteux de dire en secret ce qu'ils font dans le secret. Il faut les publier plutôt, pas vrai? Alors maintenant, ma soeur, je suis en train de dire ceci. Regarde, je vais encore recommencer dès le départ, n'est-ce pas? Lorsqu'il dit là qu'il ne s'agit pas de ton petit ami, donc ça veut dire que tu ne dois plus même mentionner ton. Petit ami, j'ai dit que ce n'est pas quelque chose que tu es consentant. Tu dois savoir ça. Donc, ils sont en train de faire l'effort de balayer le terrain. J'ai dit, ce personnage-ci, c'est un personnage qui n'est pas conventionnel. Il dit qu'il y a un acte. Parlons-en. Normalement, c'est le seul qui s'est passé. Lorsque je suis en train de parler, il parle de mon histoire. C'est pour que le Saint-Esprit lui rappelle ce qu'il en est. Mais comment on peut faire comme ça? Et tu penses que disons, tu es sorti là-bas, je ne sais pas s'il faut, avec, comme on nous a amené ce soir-ci, et les frères vont d'ailleurs couper, j'aurais souhaité, si elle était partant, je devais entrer dans d'autres domaines, alors que ça s'est passé là-bas, il y a un être qui s'est positionné devant là. C'est pas facile partout, pas vrai? Ouais, ici, c'est pas facile. Là-bas, c'est pas facile. On en parle parce que après cela, il y a quelque chose qui arrive au-devant de toi. Si tu veux nous expliquer, tu nous expliques. Si tu ne veux pas, pour le moment, on n'en parle pas. Mon but, c'était d'attirer l'attention dans ce domaine-ci. Tu te souviens, le jour que quand je suis venu, il dit que ce qui est là, qu'on ne passe pas, on passe pas par l'opération. C'est ce qu'il dit ici, pas vrai? Que ce qui se trouve là-bas, qu'on ne passe pas par l'opération. Qu'est-ce qui va se passer? Que c'est le Seigneur qui va opérer. Parce que ceci, ce n'est pas physique. Alors maintenant, vous rentrez là, vous priez. Vous dites, qu'est-ce qui ne va pas ici? C'est le problème ici. Vous allez chez les médecins ici. Vous opérez ceci. Ce que vous arrivez comme chair là, c'est une partie dès que vous en avez enlevé. Vous pouvez enlever la chair jetée. Vous avez détruit ce qu'on appelle l'intérieur, la partie qui porte l'enfant. Après, on va dire que non, c'est l'erreur médicale. Ce n'est pas l'erreur médicale. C'est le but là-bas, justement. Donc le but, c'est ceci. tu passes par l'opération, tu meurs, ou bien tu passes dans le côté chrétien, tu deviens prophétesse. Donc Satan fait d'une pierre plusieurs coups. Mais voici le vrai problème. Le vrai problème, c'est que c'est un acte que tu crois que c'est passé. C'est que quand tu as posé ça, tu pars. Tu dis que non, après une manière de donner maintenant. J'ai donné ma vie à... Je pose la question. Lorsque tu as donné ta vie à Christ, l'a-t-il pris? Est-ce qu'il l'a pris? Voici un cas, alors, maintenant. Voilà un cas. Maintenant, comme elle est devant, vous voyez qu'il y a quelque chose. Alors, ce jour-là, je suis venu, j'ai touché, j'ai fait, et il met la main sur le ventre, met la main sur le ventre. C'était le signal seulement pour lui montrer quelque chose. Pourtant, elle a signé rien. Elle a signé rien. Je dis, ah, c'est... Et puis, maintenant, on a attaqué. Elle rentre maintenant, qui m'a touché. C'était le signal pour lui montrer que quelque chose ne va pas. C'était le signal pour lui montrer que quelque chose ne va pas. Alors, il recommence encore. Tu veux qu'on avance dans ce domaine parce que le but, c'est de dénoncer le diable et puis maintenant expliquer ce qui se passe là-dedans avant de... Tu veux? Tu es sûr? Très sûr. Mets donc la main là-bas en parlant. Explique-nous comment ça s'est passé. Donc, comme j'ai commencé, je suis arrivé chez ce marabout. Il y avait tout ce qu'on trouve chez les marabouts, là, les cailloux, l'huile rouge et tout et tout. Il m'a fait assis sur une pierre. Et il m'a demandé mon problème. Je lui ai expliqué que j'étais enceinte. Donne-moi quelque chose comme ça. Et que je il veut évacuer ça. Oui. Il a dit qu'il a le test, que ton test que tu as pris là-bas, l'indigo, que c'est passé par l'indigo, que ce n'est pas le vrai test. Qu'il a le vrai test. Mm-hmm. Et quand il a pratiqué tous ces actes sexuels-là sur moi, il m'a demandé de retourner à l'hôpital, me rassurer si c'est sorti ou pas. Quand je retourne à l'hôpital, on me dit que c'est le test était toujours positif. Et finalement, c'est à l'hôpital que j'ai évacué cette grossesse et je n'étais plus retournée chez lui. Combien tu lui avais donné? Je ne l'avais rien donné. Donc tu as donné gratuitement seulement ton corps. La consultation, tu n'as pas payé? Chez lui, non. À l'hôpital, oui. Non, non, laisse l'hôpital. Tout ce qu'on va parler ici va se trouver, c'est chez cet homme-ci là. Laisse-le payer. Il y a les docteurs sorciers. Les docteurs qui sont dans les loges, que c'est leur rôle. Malgré qu'ils ont prêté serment de rendre plutôt la vie, ils viennent, ils font comme ça. Malgré que la loi dit qu'on ne doit pas faire l'interruption de votre grossesse, sauf par ordre de juge, qu'il faut qu'il y ait une autorisation. En cas de médical, ou quoi, un problème médical vraiment constaté de la part de la vie, malgré que ce soit comme ça, là, ils le font. Dans vos quartiers, sous-quartiers, il y a des gens qui connaissent, spécialistes. Il y a même des filles qui sont devenues les as pour conseiller les autres pour pouvoir faire ça. Elles disent que tu prends le sel, avec le sel j'aime, tu mélanges avec le piment rouge, tu te puges avec le blue. L'enfant va sortir, même s'il ne veut pas, il va sortir. Toi-même, tu peux faire quoi comme ça là? Donc, il y a des prédicateurs. Pendant que nous sommes prêchés pour le royaume, il y a des prédicateurs. Chacun a son domaine chez Satan. Il y a d'autres gens qui conseillent que boire la bière, c'est boire. Il y a quoi? Tu bois une fois, tu deviens le plus grand soula. D'autres disent goûte la cigarette, c'est vraiment goûte. Ça se rôle là-bas, il t'indique seulement le chemin. Tu engages maintenant, tu commences à fumer, tu ne peux plus t'en débarrasser. D'autres qui font, ils te fessent. Donc, les autres sont des champions des cris des bébés. Il y a donc d'autres donc, qui viennent dans le Seigneur et cachent dans ces vies passées. Et dans leurs songes, elles voient, elles entendent toujours les cris des bébés. Elles voient toujours comment elles sont au milieu des bébés. Le Saint-Esprit est en train de dire que ton problème avec les avortements ne sont pas réglés. Mais ils ne comprennent pas leurs songes. Il dit que, oh Seigneur, merci pour les bébés que tu m'as donnés. Parce qu'il sait qu'il va encore accoucher au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, lui, est en train de dire que ces enfants-ci, où sont-ils? C'est la question dans le songe. Mais quand il dit ça au pasteur, quand le pasteur ne comprend pas le songe, c'est que le Seigneur est en train de dire, il dit que non. Ma soeur, ça veut dire que arrache ta promesse par la face. C'est que comme tu as vu le bébé, c'est que Dieu te donne le bébé. Vraiment, hein? Dieu a déposé la question que le bébé qui a été donné, les voici. Où est-ce qu'il se trouve? Et quand on vient au Seigneur, donc, on croit que c'est comme ça. On dit que, Seigneur, rappelez-moi, on va parler de la repentance proprement dite. Notez cela, la repentance proprement dite. Donc, la repentance, qu'est-ce que c'est que vraiment la repentance? Ah Seigneur, dis-moi pardon pour mes péchés. Vraiment, hein? Ok, donc on va voir la repentance, d'accord? Notez, quoi qu'on a déjà vu, il y a demandé qu'on note le... quelque chose, marcher selon l'esprit là. Alors, ces genre de choses se passent. La soeur finit comme ça. Bon, vous ne pouvez pas la condamner. Parce que dans la jeunesse, chacun a sa part de folie où il marche. Maintenant, il y a d'autres folies qui sont extrêmes au point où Satan, connaissant ce qui va t'arriver, il met les jalons dès le départ. C'est-à-dire que quand tu fais sa pape, il ne te rate pas, il met un crochet pour pouvoir te suivre plus tard. Il y a certains parmi vous qui avaient commis la fornication, ça ne vous a pas donné les démons. D'autres qui ont commis la fornication une seule fois, et ça a amené le démon au point où il ne peut même plus s'en débarrasser même avec la fornication. Et même quand il est en Christ, c'est fort. D'autres personnes qui n'ont jamais masturbé, ils sont masturbés une fois et puis depuis là, ils sont devenus accros. Le mot qu'on utilise en français, c'est accro. C'est-à-dire qu'il est accroché, ça veut dire que addicted. Vous voyez? Ce mot-là ne devrait pas exister comme ça dans le langage chrétien. Ça devait être possédé. Donc il y a un esprit maintenant qui le maintient là-dedans, en captivité. Il faut maintenant qu'il soit délivré. Donc quand quelque chose devient une habitude que vous savez très bien que vous voulez faire, vous ne voulez pas faire ça, vous vous sentez poussé à faire cela, chaque fois, vous êtes possédé. Il faut la délivrance. Donc maintenant, pour le cas de celle-ci maintenant, vous ne pouvez pas entrer chez les marabouts sortir indemne. Hein? Vous ne pouvez pas entrer chez le marabout sortir indemne. Pire encore, si vous avez eu des rapports sexuels. Le rapport sexuel, c'est le lieu de dépositoire. C'est un peu comme quelqu'un vient chez toi et dit que, pardon, mes bagages, si je dépose ça chez toi, il pleut là dehors, je dépose chez toi, j'arrive, tu dis oui, je dépose tout ici dedans. Et que dans ce carton-là se trouve le serpent ou le boa. Il va rester dans le carton 2 heures, 3 heures, 4 heures, je ne sais pas combien de temps le boa peut rester sans manger. Si on lui avait donné la souris à manger, attends, ça se décompose. Quand ça va finir dans son ventre, et qu'il va taper la tête le carton qu'il veut sortir, tu sauras qu'il y a un boa dans le carton. C'est ça. Alors maintenant, le plus grave encore, c'est l'autel. L'autel. C'est-à-dire que pendant que vous faites cela, qui est là à côté? Vous vous souvenez quand, je ne sais pas avec qui on était à Yaoundé chez la marabout, là, pendant qu'il était en train de prier pour elle, elle était debout comme ça. L'être là s'est tenu là-bas à la porte. Je l'ai regardé. La marabout me regarde comme ça. Elle me regarde. Elle dit, tu as vu qui? J'ai ri. Il était tenu là debout, fâché. On est dans son temple. Il est tenu à la porte. Quand on passe, et maintenant, si c'est les pentecôtistes, maintenant, quand ils vont voir comme ça, au moins s'ils voient cela, c'est le feu que vous allez entendre là-bas. Vous allez entendre les crachats de feu. On crache le feu à gauche, on crache le feu à droite. La meilleure façon, c'est de marcher par l'esprit. Vous marchez par l'esprit, l'esprit les intime l'ordre de se soumettre. De se soumettre. Il s'est tenu là, pendant qu'il était de prier pour sa chef-tête. Comme ça. Elle me regarde, parce qu'elle s'est tenue, parce que quand l'être s'est présenté, il s'est tourné, regardez. Il dit, tu vois qui? Il n'a pas répondu. Il dit, mais je vois ce que tu vois, non? Mais il était là enchaîné. Les gens qui viennent donner l'ordre, les esprits qui viennent donner l'ordre, que donne plutôt cette plante-ci. Non, il cueille seulement la plante, je donne. Celle-là ne travaille pas avec les marabouts, elle ne jette pas les coris. Parce que qui a dit que c'est seulement ceux qui jettent les coris qui travaillent avec les esprits? Demandez aux marabouts qui sont repentis pour qu'ils vous disent que les poudres noires, quand vous se scarifiez, on met à l'intérieur de vous. Avec quelle composition on fait? Pour d'autres, ce sont des enfants qu'on a tués et écrasés. Pour d'autres, c'est les ossements humains. Pour d'autres, ce sont les choses des gens qui sont morts qu'on a pris et fait là-bas. On fait en poudre. Avec les incantations dessus. Qu'est-ce qui va dans ton sang, frère? Qu'est-ce qui va dans ton sang? Quelqu'un dit, mon mari ne m'aime pas. Je veux qu'il m'aime. Tu veux qu'il m'aime? Qui t'aime? Et tu vas plutôt chez le marabout pour faire que ton mari t'aime. Donc, ça veut dire que tu es en train d'envoûter ton mari. Et par conséquent, s'il vient dire, oh chérie, ce chéri, la personne qui a dit chérie, là, c'est pas lui, c'est un esprit qui a dit cela. Vous suivez ça, frère? On est mal barré. Recherchons le refuge dans le Seigneur Jésus. Donc, le but pour lequel tu es parti avec lui, c'est tu as cru que lui, en faisant cet acte-là, l'enfant doit sortir. Qui t'a conseillé d'aller chez lui, qu'en allant chez lui, tu auras la solution? Et quand tu es rentré, tu as dit à ses camarades là. Oui. Et qu'est-ce que tu lui as dit que ce qui s'est passé? Je lui ai donné le compte rendu. C'est que je pense que ça ne peut pas marcher de ce côté-là, mieux continuer à l'hôpital. Et elle était d'accord avec moi. Bon, maintenant, on va arriver maintenant dans une autre ordre. Depuis que tu es sorti de chez le marabout, tu n'as rien ressenti, tu n'as rien expérimenté d'étrange, d'anormal dans ta vie concernant ce domaine-ci? Après ça, tout allait normalement. Tout allait normalement. Maintenant, comme tu es venu en Christ, qu'est-ce qui t'est venu dans les songes et dans les pensées concernant cela? Donc, même là-bas, tu avais oublié. Depuis que le Seigneur m'a appelé, je n'ai même jamais pensé à l'autre fois jusqu'à la dernière fois que vous avez dit que tous ceux qui ont eu affaire avec les marabouts ont besoin de délivrance. Tu étais ici, là. Depuis ce temps-là que je n'ai plus jamais eu de paix. Mon esprit est que là. Vous avez vu? Elle dit son esprit est que... Et maintenant, il vient, il dit qu'il y a un bro. Son esprit sort là. Il cherche maintenant que ce sont les frères. Ce sont les frères. C'est frère Bobda. Frère. Vous étiez là-bas, frère. Mais elle sera libre au nom du Seigneur Jésus. Amen. D'accord. Tiens-toi là-bas. On parlera des dons spirituels. Ici, je vais prier. Vous, si vous attendez, attendez voir ma bouche ouvrir, ça ne s'ouvrira pas maintenant. Maintenant, vous pouvez sonder, dire n'importe quoi que vous voulez. Je vais seulement le regarder. Regardez cette tête qu'il a déjà maintenant. D'accord, frère? De toute façon, regardez avec moi là. Attendez, quand tu fermes les yeux, tu pries ou tu dors? Ou tu as médité? Ou tu dors en priant ou en méditant? Vous voyez les gens qui vont chez le marabout, ayez pitié d'eux. Vous voyez les marabouts, ayez pitié d'eux. Les marabouts sont plus dans des problèmes que les gens qui viennent les consulter. Et le vrai problème, c'est que lorsqu'ils parviennent à faire un acte comme ceci, comme ça là, ils grandissent en puissance démoniaque. Parce qu'ils ont initié une personne. Parce que celle-ci, si elle arrive au niveau où ces choses commencent à lui donner les visions, elle va commencer à donner les prophéties aux gens. Tu acceptes cela, ça t'attache à toi. Elle commence à initier. Donc, ce que le marabout a fait, elle a commencé à perpétuer. Voilà comment les gens viennent dans leur truc. Pas que ce qu'elle va dire est fausse, non. Ils vont dire des choses vraies pour t'attacher à ces royaumes-là. Donc il faut que le Saint-Esprit Dieu fasse les choses ici maintenant. Observez là, c'est maintenant. Observez seulement. Il n'y a pas demandé d'observer, de regarder avec les deux yeux. Observez avec les yeux qui sont ici. Observez là-dedans. il y a un style de... on appelle ça basket. C'est un style de panier. Ça, c'est le panier. Dans, au village, c'est ce qu'on style de panier. On fait avec comme si c'est le truc de raffia. Un style de panier qu'on a tressé. Ça, c'est avec la main qu'on a fait ceci. C'est arrêté. C'est un style de panier. Ça, c'est un style de panier fait à la main, c'est artisanal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a la forme de comme c'était le bateau, les petits pirogues là. C'est quoi ça? Comment mon cher? Comment? À Banjoun. Non, il n'est pas demandé comment ça s'appelle. Il dit quand je viens de regarder, je vois ces paniers là autour de toi. Qu'est-ce que c'est à avoir? Tu penses c'est quoi? C'est le panier. Parce que le panier c'est tracé. Il y a c'est comme si on a laissé le vide. Fais comme moi. C'est toi qui avais pris la dernière fois. Tu es rentré, ton corps t'a fait mal. Tu as dit mince. Hein, mon frère Donald. Ton corps t'a fait mal au jour là, non? Quand on commence à prier maintenant, tu dis madame, donc quelque part, j'espère qu'il n'a pas mis des signes. Ces paniers là c'est à faire quoi mon cher? Quand on parle marché, qu'est-ce qu'on met dedans? Cet être vivant qui se trouve dedans, c'est quoi? Cet être vivant qui se trouve dedans, c'est quoi? Tu demandes pardon à Dieu pour cela, d'accord? Présente-lui, d'accord? Ah, merci Seigneur Jésus. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1, l'apôtre Paul commence en voulant nous expliquer le don spirituel, parce que les Corinthiens avaient des problèmes avec le don spirituel et l'utilisation. L'apôtre Paul dit que si personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est un défi encore ici avec ce verset. Que nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Et tout, même le faux pasteur dit Jésus-Christ est Seigneur. Et il dit, quelqu'un parlant par l'Esprit ne peut dire Jésus est anathème. Et les gens sont seulement ça, tellement ça qu'ils ne peuvent pas dire Jésus-Christ est maudit. Qu'est-ce que l'apôtre Paul lui dit dès l'entame du verset? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Non! S'il dit d'ailleurs que Jésus est Seigneur, c'est qu'il est de Dieu, tu parles. Non! Non! Puis il commence à expliquer donc maintenant la diversité des dons et les utilités. Puis il dit que c'est un seul et même esprit qui distribue ces dons-là à chacun comme il le veut, pour l'utilité commune, n'est-ce pas? L'apôtre Paul, dans ce livre de 1 Corinthiens chapitre 12, met en étroite relation clairement la vie chrétienne avec la manifestation du don spirituel. Qu'il n'y a pas de vie spirituelle sans les dons spirituels. L'apôtre Paul, dans ce livre de 1 Corinthiens, est un peu plus clair. Il n'y a pas de vie spirituelle, de vie dans l'église, de vie avec le Saint-Esprit sans manifestation du don spirituel en ce qui concerne l'église. Et par conséquent, vous pouvez prendre la Bible tordre n'importe comment pour dire, je parle par rapport aux sensationnistes qui disent qu'il n'y a plus de manifestations maintenant, des miracles et au-delà maintenant. Vous allez vous dire n'importe comment, c'est que vous ne faites pas partie du corps. Parce que ce qui fait entrer dans le corps, comme le verset 13 de ce livre-là dit, que nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons été abreuvés dans un seul esprit. Oui, n'est-ce pas? Comme il a dit cela, c'est dans un seul esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui donne la puissance. Il ne peut pas se... La nature du Saint-Esprit ne change pas parce que c'est l'esprit de puissance. Le Seigneur Jésus qui a dit dans ses Actes chapitre 1, verset 8 que je vous ai donné, il dit que mais vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est l'ordre là-bas. Donc, dit que les dons spirituels, ça c'est pour les sensationnels, que les dons spirituels ont cessé, dit que ça veut dire que dit que le Saint-Esprit ne scelle plus les gens. Ça veut dire que dit que les gens ne sont plus agités dans le corps. Donc, dit que depuis qu'on prêche là, personne n'est dans le corps de Christ, donc personne n'est chrétien. Parce que la Bible déclare au verset 13 de 1 Corinthiens 12 que nous avons en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc, le baptême du Saint-Esprit vient pour incorporer les gens, pour mettre chacun à sa place. Or, c'est cet esprit-là qui vient sur toi, comme le Seigneur Jésus a dit dans Actes chapitre 1, verset 8, quand il demandait pour le temps de rétablissement du royaume d'Israël, il a dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps que le Père a fixé de sa propre autorité, mais pour vous, ce sera de quoi? Recevoir une puissance lorsque le Saint... Il ne dit pas que le Saint-Esprit, c'est la puissance, non. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, ce n'est pas un objet, c'est un être. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il vient avec la puissance. Alors, donc, comment vous pouvez limiter la puissance du Saint-Esprit en une époque? Comment? Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Alors là, si quelqu'un dit que c'est le sensationniste, posez-le sur la question, as-tu été baptisé du Saint-Esprit? S'il dit oui, c'est que les deux choses, soit c'est un autre esprit qui est venu sur lui, ou bien sur l'esprit dont Jésus qui parlait de l'Arche, chapitre 1, verset 8. Il a dit, mais vous recevrez une puissance. Il dit, lorsque le Saint-Esprit vient, vous avez une puissance. Et donc, cette puissance donc, se manifeste donc différemment. On parle donc des dons spirituels. Il n'y a pas donc d'église du Seigneur Jésus sans dons spirituels. Parce que les dons spirituels sont donnés pour les manifestations des différentes gloires ici, afin que le nom du Père soit glorifié. Or, l'église quitte là, elle quitte avec le don spirituel. Parce qu'en haut, on n'a pas besoin de dons spirituels. On n'a pas besoin de dons de guérison en haut. On n'a pas besoin de miracles ni de prodiges là-bas en haut. C'est ici sur la terre qu'on en a besoin. Qu'est-ce qu'il avait fait de particulier avant de passer à l'acte? Juste après les questions. Oui. De passer à l'acte. Il a bien fait de passer. Où? Dans sa chambre de travail. Maintenant, les choses vont couler, d'accord? D'accord. Ça va couler. N'aie pas peur. Quoi que ce soit que ça va couler, dis seulement gloire au Seigneur. D'accord. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que j'en ai terminé avec cela aujourd'hui. D'accord. Que le Seigneur te bénisse. Dans ce 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 13, donc, il va commencer à vouloir expliquer cette manifestation du don spirituel à chacun des membres. Il explique jusqu'au verset 22 que Dieu a placé chaque membre, verset 18 particulièrement. Il dit que et Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Je vais toucher un autre domaine maintenant. Comme il a voulu. Ça veut dire que être dans le corps et voulant manifester un don spirituel qui n'est pas propre à toi est une tentation du Seigneur. Et par conséquent, si tu tentes le Seigneur comme ça, il te laisse sous la houlette de Satan. C'est ceci qui, donc, qui conduit donc les pasteurs à vouloir fédérer avec d'autres pasteurs qui ont plus de puissance. Parce que croient-ils que quand ils vont aller, le pasteur va lui donner la puissance. L'homme ne donne pas la puissance à un autre homme. Si un homme donne une puissance à un autre homme, cela vient du diable. Si un homme donne une autre puissance à un autre homme, que je te donne la puissance, prends, tu fonctionnes avec. Si ça vient du diable. Alors celui que c'est le premier en train de parrainer sera aussi le maître de celui-là. Autrement dit, celui-ci est un père spirituel diabolique. On a pris beaucoup de choses dans la Bible et on a commencé à tordre pour donner des interprétations ou bien des pensées courantes à notre pensée que nous avons en croyant que c'est la pensée de Dieu. Vous voyez, les pasteurs disent que c'est moi comme Élie et Élisée. Et je vais te donner le double manteau. Demande ce que tu veux et tu auras le double manteau. Vous ne verrez personne comme Élie dans la Bible encore. Personne comme Élisée dans la Bible encore. Parce que Dieu a un type pour chaque personne. Vous comprenez ce que j'en ai dit, n'est-ce pas? Il n'y a que Élisée qui est comme ça. Il n'y a que Élie qui est comme ça. Il n'y a que Josué qui est comme ça. Il n'y a que Moïse qui est comme ça. Il n'y a que Jean-Baptiste qui est comme ça. Il n'y a que Paul qui est comme ça. Il n'y a que Pierre qui est comme ça. Hein, frère? Mais regardez bien, vous allez voir effectivement que partout, Dieu se manifeste différemment, mais son nom seul qui est glorifié. Alors, donc, on a maintenant forgé dans les théologies tout autour maintenant que c'est moi comme Élie et Élisée. Parce que la Bible déclare que Élisée, ou bien, comment s'appelle, Josué, versait de l'eau sur les mains de Moïse. Donc, c'est moi avec diligence comme ça. Tu as ton argent, donne, il n'y a pas de problème. On dit comme ça, celui-là aussi, c'est là-bas parce qu'il dit que quand le mois va venir, il va me donner l'onction. Tourne-toi avec quelqu'un, pointe son nez. Fais l'effort de regarder bien la personne. Puis dis à la personne que l'onction, s'il y en a une, vraie, doit venir du Seigneur Jésus. L'être humain ne manipule pas l'onction du Seigneur comme il veut. L'être humain ne manipule pas l'onction du Seigneur comme, c'est-à-dire, j'ai l'onction sur moi. Je souhaite que celui-ci guérisse. Malgré que j'ai l'onction sur moi, ça doit dépendre du Seigneur. Amen. Un seul et même esprit, disait 1 Corinthiens chapitre 12, opère toutes ces choses, les distribue à chacun en particulier. Comme qui veut là. Ok. Alors si Dieu te donne le don d'interprétation des langues et que tu n'as pas le don de prophétie, pourquoi tenter de vouloir prophétiser alors que tu n'as pas reçu? Puisque c'est le même esprit qui, quand tu parles, tu interprètes, c'est le même esprit qui prophétise dans l'autre. Vous voyez pourquoi le Saint-Esprit doit faire d'abord une œuvre de nettoyage dans les êtres humains pour prendre son cœur et emprisonner, n'est-ce pas? Si cette œuvre de nettoyage n'est pas là, c'est que tu vas dire pourquoi le frère s'y parle. Remarquez bien pourquoi vous voyez ce qu'il en est. Pourquoi le frère s'y parle aux gens? Quand il parle comme ça, beaucoup de personnes vont vers lui. Et quand Jean-Baptiste a dit que voici l'année de Dieu qui a enlevé le péché du monde, ok, ils ont dit que donc ce n'était pas toi l'agneau. Ils ont dit oui. Ils ont commencé à aller par là-bas. Okay. Comme c'est l'agneau par là-bas, c'est là-bas. Oh. Vous avez vu Jean-Baptiste être jaloux quelque part? Non. Même ces autres disciples ont dit que, merde, à cette réunion-là, le ministère, c'est va finir. Les disciples sont venus que, merde, tu n'as plus de personne, tu vas encore prêcher à qui? Le type que tu as pointé que c'est l'agneau-là, le, voilà, tout le monde va à lui et dit que, mais c'est pas même que moi, je me repose, moi. Mais vous êtes témoin que j'ai dit que je ne suis pas. J'ai été envoyé au devant. Donc, salut. Maintenant, observez le comportement de Jean-Baptiste avec nos pasteurs d'aujourd'hui. Si tu quittes quelque part parce que tu as entendu un frère qui prêche comme ça, tu peux écouter là-bas. Pam! Le dimanche d'après, sur les trois dimanches, à la chair, la prédication va être sur la prostitution spirituelle. On prêche en montant le doigt comme ça, tu comprends qu'on a été sermonné. Écoutez, un, la majorité d'entre vous, si je ne connais pas les noms. Deux, quand vous sortez ici, enfin vous sortez, vous allez confronter de vous nous confirmer, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai à faire? Je prêche seulement la parole. Si vous voulez sortir, allez n'importe où, il n'y a pas de problème. Je suis seulement sûr de ce qui sont les prêchés ici. Et je dois être sûr que ce qui sont les prêchés de là-bas, c'est ce que lui, il a ordonné. S'il a ordonné, si ça sort, ça entre là-bas, lui, il m'a dit ici dedans. Que tu veilles ou que tu dormes, cela ne dépend plus de toi. Alors mon rôle, c'est seulement de faire quoi? De s'aimer. Celui qui fait croître, c'est lui. S'il ne veut pas que ça croisse en toi, même si tu dis que je suis... Écoutez bien, la maturité spirituelle n'est pas le nombre de temps passé dans le Seigneur. Non. La maturité spirituelle n'est non plus le nombre de fois où tu as lu la Bible, ni le nombre de versets bibliques que tu mémorises, ni comment tu la cites avec assiduité. Non, ce n'est pas ça la maturité spirituelle. La maturité spirituelle consiste à... Écoutez très bien. L'obéissance. Combien de fois tu obéis au Seigneur? La maturité spirituelle ne consiste pas à la quantité de versets qui est dans ton noix de coco. La maturité spirituelle ne consiste pas à combien de fois tu as lu la Bible. Quelle version connais-tu? Si tu connais les versions grecques et autres, parce que ça, tous les démons connaissent en toutes les langues, même avec les langues qu'on n'a pas encore parlé. Ils peuvent interpréter ça bien, mais pas vrai. La maturité spirituelle, votre maturité spirituelle doit être confrontée au niveau de votre obéissance à cette parole-là. Donc, si un frère lit toute la Bible, juste assis sur la Bible, une sœur lit seulement Luc chapitre 6, verset 40 et suivant. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Ne faites-vous pas ce que je dis. Reste là pendant 4 ans, dit Seigneur, je ne veux plus t'appeler Seigneur sans faire ce que tu dis. Cette sœur-ci aura la victoire devant le Seigneur que celui qui lit la Bible sans rien faire. Vous suivez? La maturité spirituelle, c'est pas. Tu as fait combien? Ah, ça fait 7 ans que je suis prêtre. 7 ans que tu es prêtre. Tu parles. 7 ans. Que tu es prêtre. Ça fait 20 ans que je suis dans la foi. 25 ans qu'il prêche. Depuis 1955 qu'il prêche ça. 1955. Tu as cette étape comme ça. Sèche plus que l'arbre de goyave en prison sèche. Donc ne mesurez pas votre domaine spirituel par le temps que vous passez dans la Bible. Non, non, non, non, non. Chaque fois que vous allez dans la Bible, posez-vous les questions. Telle instruction du Seigneur que j'ai déjà reçue, est-ce que je mets en pratique? Écoutez très attentivement, puisque je vais faire un crochet là-bas dans cet enseignement de conduit par l'esprit, marcher par l'esprit là. Lorsque le Saint-Esprit vous a présenté une vérité biblique et vous refusez, vous l'avez laissé là. Lorsque le Saint-Esprit vous a présenté une vérité biblique, si lui, il vous a présenté une vérité biblique et vous refusez, vous n'obéissez pas, vous n'avancez pas en obéissant, vous venez de le laisser là. Ça ne veut pas dire que quand tu vas lire autre verset biblique, tu n'as plus retenu. Tu vas retenir parce que la faculté de rétention est donnée à l'homme, pas donnée aux chrétiens. Mais la faculté que ce que tu as retenu là prenne vie, c'est du domaine du Saint-Esprit. Alors, si tu lis la Bible dans la méditation, dans la prière, et que le Seigneur te donne un verset biblique, c'est là où beaucoup de personnes chutent. Parce que Dieu leur révèle quelque chose. Ils courent vers le pasteur. Après, quand ils viennent vers le pasteur n'a pas cette doctrine. Il ne croit pas à cette doctrine. Il dit que l'autre là, ça ce sont les tels qui prêchent ça. Donc ce sont le groupe tel là qui est venu lui dire ça la nuit. C'est le groupe tel là qui est venu lui montrer ça dans la Bible là, la nuit. À cet instant là, il a laissé le Saint-Esprit, il a pris le pasteur. Alors le Saint-Esprit va lui dire que, ok, que le pasteur soit ton conducteur. Beaucoup de personnes donc disent, c'est pour ça que vous allez voir quand les gens sont innocents dans la foi, quand ils sont jeunes, ils ont du zèle. Subitement, à un moment donné, le zèle baisse, ils ne comprennent pas pourquoi ils ont peur. Parce que très souvent, il y a la désobéissance quelque part. Très souvent, on s'est associé avec la personne qu'on n'en voulait pas. Très souvent, on obéissait à la voix de Dieu. Subitement, on commence à suivre plutôt l'homme. On laisse Dieu derrière. On est surpris qu'on n'entend plus sa voix. Pourtant, on dit, j'ai prié chaque fois, j'entendais la voix de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé maintenant que tu peux entendre par la voix de Dieu? Va à cet instant où le dernier fois où tu as entendu sa voix. Commence à méditer sur ta vie, tu vas voir effectivement que tu l'as laissé quelque part. Il n'y a pas de mystère là-dedans. Tu l'as laissé quelque part. Et le jour où tu vas recommencer, c'est par là-bas que vous allez commencer. Hein? Vous allez commencer là-bas. Dans l'école du Seigneur, on ne saute pas de classe. On ne saute pas de classe. Parce que dans chaque classe que tu vas passer, il y a un enseignement précis qui veut que tu assimiles. C'est dans l'école mondaine là qu'on saute de classe, qu'on saute de classe. Moi, vous voyez comme ça, je ne connais pas lesquels cours on enseigne véritablement en troisième. Parce que je n'ai pas fait la classe de troisième. J'ai pas fait la, d'abord, le sixième, je ne connais pas exactement quel cours on fait là-bas. Je n'ai pas fait la sixième, je n'ai pas fait la cinquième, je n'ai pas fait la troisième. Juste aller en quatrième inscrit là-bas, il y a eu le BPC, juste aller en seconde, on connaît pas ce qu'on enseigne là-bas. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc quand un Mexique est en train de me dire comme ça, je peux m'asseoir aussi, aussi et essayer de voir pour voir, parce que je ne peux pas maîtriser tout ce qui est écrit là-bas. Mais j'ai écrit ce qui était là-bas, j'ai passé. Chez Dieu, ce n'est pas possible. Vous devez aller à la CIL. Si c'est CIL, CPE, commenter un ou c'est comme ça, cet état vous allez aller. On ne prend pas de contours. Et le plus grave, c'est que tous ont la même Bible. Chacun de nous a son épreuve. On ne triche chez personne. Donc il n'y a pas de bord. C'est l'épreuve qu'on donne dans ta vie. Il n'y a pas de surveillant pour te suivre si tu vas tricher. Ce sont les épreuves que tu composes avec le document d'enseignement. Dans ta vie, quand tu passes par tes épreuves, tu as ta Bible avec toi. Donc tu peux tricher dedans. Triche, tu réussis en... Tu dois passer ton test seul. Alors, dans l'école de Dieu, donc, c'est l'école de la foi, l'école de l'esprit, il faut se laisser conduire par l'esprit. Et cette conduction commence à l'instant où tu soumets tout ton être, ta volonté, entre les mains du Saint-Esprit. Ça commence, le début. C'est Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. La Bible utilise l'expression, donc, que tu es mort à toi-même. Si tu es mort à toi-même, il commence à te conduire. Tu vas commencer à comprendre ce verset de ce Galates chapitre 2, le verset 20, que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Vous voyez que la personne est partie, n'est-ce pas? Donc, la conduite du Saint-Esprit, on est d'abord sur la... Ils sont glissés là-bas pour arriver, sortir, pour revenir sur le don spirituel. Être conduit par le Saint-Esprit, on commence par l'abandon de soi et le total abandon entre les mains du Saint-Esprit. Quand tu es comme ça, à cet instant-ci, tu es désormais sous son influence. La seule chose à faire, c'est obéir à sa parole. On va revenir sur le don spirituel aussi, en proprement parler. Les dons et les appels. Les quantités de prédications vont vous rafraîchir la mémoire. Donner la vivacité. C'est pour ça que vous pouvez écouter quelque chose, vous dites, waouh, je suis galvanisé, vous sortez là, paf, c'est terminé. Pas vrai, frère? Ou le temps que vous allez manger les beignets, vous buvez la bouillie, vous avez oublié tout ce qu'il en est. Mais si c'est le Saint-Esprit qui vient, il touche au niveau de l'esprit. Quand il touche au niveau de l'esprit, vous ne pouvez pas fuir. Parce que même si vous êtes debout en train de parler, l'esprit est en train d'être traité. Autrement dit, vous pouvez jeûner. Jeûner 100 jours. Sans jamais gêner avec le Saint-Esprit. Souvenez-vous de cet homme-là de Luc chapitre 17 qui est monté au temple, qui est un pharisien. Ne gênait-il pas deux fois par semaine? Ne payait-il pas les dîmes? L'autre payait tout ça, il gênait. Mais qui est rentré justifié? Le publicain, pas vrai? Donc, le Seigneur veut dire que tout ce qu'il faisait là, c'était la grève de la faim. Si quelqu'un venait nous révéler que mon ami, Dieu n'est pas avec ton jeûne, c'est qu'il veut faire quoi? Il va manger, non? Donc, il faut marcher avec l'esprit. Pendant que vous êtes maintenant, quand vous allez rester là, et dans la suite des jours, posez-vous seulement cette question-ci. Où est-ce que j'ai abandonné le Seigneur depuis? Il faut que vous répondiez à cette question. Où est-ce que j'ai abandonné le Seigneur depuis? Vous regardez votre vie spirituelle, vous voyez que quand vous avez commencé, vous avez baissé plus tôt. Vous l'avez abandonné quelque part. Allez exactement là où vous en êtes. Vous allez voir une panoplie des instructions que vous avez mises aux oubliettes. Vous avez mis ça aux oubliettes. Mais avant cela, soyez sincère avec vous-même, dans votre cœur, pour voir si oui ou non vous voulez avancer vers le Seigneur. Si vous voulez avancer vers le Seigneur, faites ce travail. Si vous ne voulez pas avancer, laissez-le tranquille et avancez. N'allez pas tenter son esprit. Si vous voulez avancer avec le Seigneur, allez dans cette méditation-ci. Posez-vous. Il n'est pas question de prendre les versets bibliques, lire les quantités de versets, lire que je lis, j'ai fini tel chapitre, je ne sais pas ça. Il est question que l'Esprit prenne la parole et la manifeste pour vous. Il est question que l'Esprit prenne les paroles et la rende réelle pour nous. Il est question, pendant que nous sommes en train de lire la Bible, que le Saint-Esprit nous parle au travers de ces paroles-là. Vous prenez la Bible. Vous lisez deux chapitres, vous faites Fermez. C'est le devoir religieux, ça. Ça, c'est le devoir religieux. Il dit, vous prenez la Bible. Il dit, ah, le matin, je suis allé au travail, je suis allé la Bible. Le matin, je suis sorti. Bon, il lit à midi. Il lit. Voici de quelle manière Jésus qui est venu. Qui est là? De quelle manière Elisabeth, Elisabeth. Il n'y a pas Elisabeth là-bas. Comme que Joseph allait voir Zacharie. Zacharie. Il n'y a pas ça là-bas. Vous en faites quoi là? Après, tu finis. Quand tu vois, par exemple, par la vertu, tu es souligné en vertu. Souligner vertu ne fait pas que la vertu vienne dans toi. Alors, il faut aller doucement avec la parole du Seigneur. Doucement avec la parole du Seigneur. Quel est mon objectif avant d'y aller? Suis-je prêt à respecter les instructions telles qu'il va dire? Suis-je prêt à me retourner s'il me montre que la voie sur laquelle je marche n'est pas bien? Suis-je prêt? Si je ne suis pas encore préparé comme ça, qu'est-ce que je fais? Je dépose la Bible là de côté. N'allez dans la Bible que si vous êtes prêt à écouter la voix du Seigneur et d'y marcher. Si ça n'est pas comme ça, ne faites pas le devoir religieux. Vous allez être plus religieux que les religieux. Dépose la Bible de côté, laissez tranquille jusqu'à ce qu'il vous attire là-bas. C'est quand même bizarre, pas vrai? Ne lisez pas la Bible si vous ne voulez pas y obéir. Ça va vous faire du mal. Ça va vous faire du mal. Ça va vous faire rester les versets. Quand quelqu'un va commencer, vous allez finir sans que ça ne prenne vie. C'est ça le danger. Laissez Dieu vous attirer. Et que la communion soit là, que vous ayez la soif. Un peu comme quand vous mangez, vous avez la sueur. Vous avez la soif pour aller boire de l'eau. Vous sentez quelque chose, vous avez besoin de quelque chose. Sentez-vous attirer. Laissez-le vous attirer. Ce que vous sentez, vous avez besoin de quelque chose. Si vous avez besoin de quelque chose, il va vous donner ces choses-là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et... Donc, si je ne suis pas fatigué, chargé, ne pars pas là-bas. Et je vous donnerai du repos. Vous qui avez soif, venez et achetez de moi de l'eau. Venez, même sans argent, venez. Et vous obtenez cette eau-là gratuitement. Le Seigneur a-t-il dit comme ça, frère? Amen. Si vous voulez lire le verset biblique, lire le verset biblique pour enseigner les autres, il n'y a pas de problème. Si vous voulez lire le verset biblique pour épater les gens, il n'y a pas de problème. Mais vous faites du mal à vous-même, parce que même si vous épatez les gens, vous en sortez pas devant le Saint-Esprit. La Bible, ce n'est pas un tour de cycle où n'importe quel comédien va venir prendre fesse de ça, étudier ses pensées en disant les moqueries n'importe comment. Le Seigneur a donné la sanction, c'est qu'il va faire rendre compte à tous les gens qui auront parlé blasphémé contre la parole. Tu rends compte à tous ceux qui auront parlé, proféré des choses contre la parole. Donc, alors, la Bible, ce n'est pas un livre ordinaire où on va aller là-bas n'importe comment. Vous pouvez dire que non, les autres évangiles, le Vatican, c'est votre problème avec le Vatican. Allez résoudre ça avec lui. C'est qu'on a là-bas. Si Dieu a voulu que ça soit là-bas, c'est suffisant. N'allez pas nous acheter 73 livres qui ne vont pas nous laisser. Ça va être Maccabée 1, Tobie et autres. Alors, les dons spirituels sont donnés lorsqu'on est dans le corps. Les dons spirituels sont donnés lorsqu'on est dans le corps. Maintenant, je vais dire quelque chose pour que vous preniez cela et vous y méditez. Seuls les prophètes peuvent voir les dons manifestés sans qu'ils ne soient encore chrétiens. Seuls les prophètes. Mais dans la nouvelle alliance, ils doivent naître de nouveau. Mais dans la nouvelle alliance, ils doivent naître de nouveau. J'espère qu'on n'allait pas interpréter mal ce que je viens de dire. Le prophète, depuis petit, il sait qu'il est prophète. Les autres, vous pouvez vous embrouiller, embrouiller, embrouiller. Quand vous en êtes le corps, vous découvrez que, ah, il m'avait appelé. Mais le prophète, lui, il sait dès le départ. Mais tous les péripéties qu'il fait dans la vie, c'est pour venir tourner, tomber dans le corps. Quand il tombe dans le corps, il dit, ah, voici là où j'appartiens. Il comprend maintenant les événements. D'accord? Il dit, le don spirituel, il faut qu'on y dure dans tous les aspects. Mais il y a les aspects particulièrement de ces manifestations-là que je veux qu'on voie. Les dons et les appels. Vous avez fini de nous TV dire quelque chose? Non. Dans le livre de Luc, chapitre 9, dont je vous ai donné, vous regardez le verset 1 et suivant. Particulièrement le verset 1 et verset 2. La Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ a choisi ses disciples deux à deux et les a envoyés en leur donnant force et pouvoir sur les démons. Vous avez vu ça, frère? Et c'est 1, 2. Jésus ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Voilà. Vous avez vu ça? Vous savez pourquoi il rit? C'est que Judas Iscariot n'était pas mieux. Rilez encore, frère. Vous me regardez comme ça. Regardez. Lis. Jésus ayant assemblé les douze. Stop. Les douze. Ça, c'est Luc chapitre 9. Verset 1. Jésus ayant assemblé les douze, il prend son conseil parmi Judas Iscariot. Il lui donne force et pouvoir pour chasser les démons et même la puissance pour guérir les malades. Et donc, c'est notable, c'est notoire que l'apôtre Pierre dit dans Actes chapitre 1 qu'il n'avait pas au même ministère. Donc, quand le Seigneur lui a donné l'autorisation d'aller guérir en son nom, il a aussi donné à l'apôtre Pierre. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc Judas allait, il guérissait exactement comme l'apôtre Paul. Et il est appelé apôtre. Vous savez ça? Donc Dieu appelle les apôtres sorciers aussi. Hein, frère? Comment vous êtes silencieux maintenant comme ça? Vous savez, on peut prêcher comme ça jusqu'au matin. Vous savez, si on est dans ce mouvement, si vous n'avez même plus le jeûne, vous n'en souvenez pas. Il y a même d'autres personnes qui, quand ils viennent, ils savent qu'à 18h, ça va être chaud ici. Ils s'arrêtent d'abord dehors, ils achètent leur pain, ils mangent d'abord, ils boivent avant d'entrer. D'autres ont les bidons d'eau dans l'air, ça comme le commando. Mais si vous pouvez me donner l'opportunité d'avancer un peu avant de vous laisser pour qu'on parle. Voici le Seigneur Jésus-Christ qui donne l'autorisation. Ici, ce n'est pas le don spirituel. Ce n'est pas le don spirituel. C'est l'autorisation qu'il a donnée. Un peu comme quelqu'un voyagerait dans un pays, comme par exemple, vous allez en Centrafrique. Vous pouvez aller en Centrafrique sans le passeport. Mais il faut que vous ayez un laissez-passer. Donc, ça tient lieu du passeport. Mais si vous avez le passeport, vous n'avez pas besoin de le laisser passer. Parce que dans le passeport, on peut noter votre sortie, votre entrée. Parce que les dons spirituels viennent avec l'incorporation du Saint-Esprit. Vous suivez, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez très attentivement, alors je vous en donne. Cette autorisation que le Seigneur leur a donnée, pensait-il que ça devait fonctionner définitivement pour tous les démons? Si vous lisez Matthieu chapitre 17, le verset 20 jusqu'au verset 21, vous allez remarquer que le Seigneur va amener Pierre, Jean et Jacques en haut, à la montagne, où il y a la transfiguration. Donc, il va laisser les neuf disciples en bas. En descendant le matin, quand ils ont eu des discussions là-bas, en descendant, en passant par cette pente escarpée, ils vont descendre, ils vont trouver un attroupement, un monsieur qui amenait son fils qui est lunatique. La Bible déclare qu'il tombe généralement dans le feu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 17 là. Quand il a vu Jésus, ils ont accouru vers le Seigneur Jésus. Je vais revenir sur ça dans la deuxième partie quand je vais expliquer pour qu'on lise cela, en lisant cela, pour qu'on fasse ressortir des choses là-bas. Il a dit, maître, c'est mon enfant, ce que tu vois là, est tourmenté cruellement et n'importe où ça l'arrête, quand c'est dans le feu, le démon le jette dans le feu. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut qu'on lise cela plus tard. Je vais revenir, d'accord? Le Seigneur Jésus dit, combien de temps ça se passe comme ça? Vous pensez que Jésus, notre Seigneur, a besoin de connaître cette information-là? Vous pensez qu'il ne connaît pas ce qui se passe avec l'enfant? Il dit, depuis combien de temps cet enfant se souffre comme ça? Vous parlez du don spirituel. Alors, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait en posant la question? Qu'est-ce qu'il a d'indiquer à ses disciples, à lui? Les disciples sont derrière. Quand le Seigneur Jésus-Christ est descendu, les autres étaient comme ça. André, c'est comment? Il dit, non, j'ai des vertiges, c'est quoi? Il a crié fatigué. Ça ne marche pas. C'est au verset 21 que la révélation de cette catégorie s'est donnée. Alors, c'est juste qu'il dit, combien de temps ceci se passe? Il dit, depuis l'enfance. Et quelque endroit où le démon arrête l'enfant, il dit, nous sommes parlé des dons et des appels, les dons spirituels. C'est pour ça que je parle de ces choses-ci. Je vais finir là par une phrase. Quand il va finir les discussions, il dit là, je vais dire une phrase et on pourra passer à l'étape suivante, la bouillie. C'est pas ça, madame Hervé? Hein? Alors, combien de temps cet enfant est dans ces conditions-ci, depuis l'enfance? Il j'ai amené cet enfant à tes disciples, ils n'ont pas pu. Mais si toi aussi tu peux, parce que tes disciples ont assez, peut-être qu'ils ont appris ça de toi. Ils n'ont pas pu chasser, peut-être qu'ils ont appris ça de toi. Si toi aussi tu as la puissance, fais quelque chose. Jésus dit, si je peux, si tu peux, tout est possible à celui qui, on va y revenir par rapport à toutes ces choses-là. Puis il dit, amène-le-moi ici. La Bible déclare quand l'enfant a vu Jésus, il est tombé là-bas, commencé à crier. Il lui a ordonné de sortir. Quand il a fini de lui donner de sortir, il est parti. Quand il partait là, les questions que vous avez en vous, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé avec les disciples, les mères. Jacques, André, oui. L'affaire, si je crois peut-être que c'était facile, plus que là, quand on entre là-bas pour tirer les filets. Pour le poisson, là, c'est facile plus que ceci. Alors, travailler dans l'esprit est excitant. Lorsque le Seigneur dit que sort, et à l'instant même l'esprit sort, il se tourne, il commence à partir, les questionnements commencent dans la tête de ses disciples. Quel était notre problème? Pourquoi n'ont pas pu chasser ces démons? Que tu aies chassé un démon ne veut pas dire que tu pourras en chasser encore. Que tu aies chassé un démon, ça ne veut pas dire que tu pourras en chasser encore. C'est-à-dire, tu peux chasser. Le fait que tu ne chasses pas ce type de démon ne veut pas dire que tu es chrétien. Ça veut dire que tu as ton territoire assigné. Ça veut dire que tu as ton territoire assigné. Si on est allé vers le don spirituel, tu vas aller doucement. Lorsqu'on n'a pas compris ceci, quelqu'un va quitter ici, aller ici, dire que non, celui-ci n'est pas un homme de Dieu parce qu'il n'a pas pu chasser ce démon. Non. Le fait qu'il n'a pas pu chasser ce démon ne veut pas dire qu'il n'est pas un homme de Dieu. Parce que vous classez les gens en ordre. Vous savez, quand vous allez payer la lumière, les factures d'électricité, vous alignez comme ça du début jusqu'à la fin. Si tu es à la 100e position, celui qui est à la 2e position peut voir ce que la femme est en train d'écrire sur le papier. Si elle a dit que c'est que toi, tu as payé tel, si elle écrit 4, tu ne peux pas rester comme ça à discuter avec quelqu'un qui est loin derrière. Si il y a quelqu'un qui a écrit 4, tu es à la 100e position, tu dis que non, c'est 2 que j'ai vu. Est-ce que tu peux apprécier? Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas apprécier plus. C'est un peu comme nous sommes ici. Quelqu'un est loin là-bas, à l'antenne là-bas. On a dit ici que sur ce tableau-ci, la dernière lettre ici, là, c'est N. Ou bien c'est S. Quelqu'un qui est là-bas dit que non, c'est K. La personne qui est proche apprécie davantage. Vous me cessez, n'est-ce pas? Si vous lisez Jérémie chapitre 15, le verset 1, lorsque Jérémie voulait intercéder pour le peuple, Dieu lui a dit, devant moi, même si c'est Samuel ou bien Moïse qui vient pour intercéder, je ne serai point favorable à ce peuple-ci. Donc, pour dire à Jérémie que quitte devant, mais Dieu au lieu de dire que quitte devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple, il dit que même si c'est Samuel ou Moïse qui se présente devant moi, je ne serai point favorable. Pourtant, Samuel est mort depuis, jusqu'à ce qu'on connaît qu'il est mort. Pourtant, Moïse n'est même pas là-bas depuis. Pourquoi Dieu dit, même si c'est Samuel ou c'est Moïse qui se tient devant moi ici-là, que ce n'est pas son histoire qu'il avait fait dans le désert, que répands-toi de son truc. Comment le peuple va savoir, les nations vont dire que c'est parce qu'il ne pouvait pas le conduire dans le destin. Que c'est parce que Moïse a bavardé là. Que c'est tiens ici, il bavarde son histoire là. Il ne change pas d'avis. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Dieu est en train de dire. La position que tu as devant Dieu n'est pas la même position que l'autre a devant Dieu. C'est ça la vraie chose. Alors l'apôtre Paul explique ça autrement dans ce livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Lisez votre verset 28 jusqu'au verset 30. Il dit, tous sont-ils des prophètes? Tous sont-ils des apôtres? Alors, c'est que dans ce cas, le prophète a son rôle qui lui est spécifique. L'apôtre a son rôle qui lui est spécifique. Et par conséquent, les dons spirituels y afférent. Vous me suivez, frère? Il a, depuis le verset 13, il a commencé à vouloir expliquer. Il a d'abord expliqué ça avec le corps. Avant de sortir avec les exemples, vous comprenez que tous les membres sont dans le corps, mais chaque membre a sa fonction. Et cette fonction-là, chacun des membres participe avec la fonction qui lui est propre, la propriété qui lui est propre pour donner gloire à la seule personne qui est la tête. Et même si vous prenez quelque chose, vous portez un bidon, vous exercez la pression, les doigts ne reçoivent pas, les pressions ne sont pas réparties de la même manière. Il dit bien, les doigts, prenez exemple, vous prenez un bidon, écoutez très attentivement, voici vos 5 doigts, vous prenez un bidon de 30 litres, d'autres personnes peuvent porter avec ces deux doigts, c'est comme ça là. Ok, portez ce même bidon de 30 litres avec ces deux doigts, les deux ci qui sont ensemble. Faites la même chose avec les deux derniers, vous voyez. Pourtant, c'est la même main que vous utilisez. Donc, les forces qui sont réparties sur les doigts ne sont pas identiques. Pourtant, c'est les doigts. Mais chacun participe en mettant sa petite force. Vous portez de l'amour pour monter à la maison, bien le frigo, vous achetez le frigo, vous montez à la maison. Vous avez quatre personnes autour de frigo. Vous avez remarqué quelqu'un qui a des effets comme ça, mais il porte quand, hein? Quand même. Il y a d'autres personnes qui croient, ils se disent, mais c'est comment, tu portes la charge seule comment? Mais ta force a été faite pour porter la charge plus. Vous saisissez, n'est-ce pas? Alors que l'autre personne, elle se met là comme ça, vous voyez, en attendant, la femme dit que non, attends, j'ouvre la porte. Voilà son rôle. Attends, j'ouvre là, la porte. Mais le jour qu'on va mettre le fromage à l'intérieur, tu vas ouvrir un peu le fromage, tu fais quoi dans le frigo là? Alors, c'est comme ça, chaque personne a son rôle dans le corps. Ces choses-ci, enseignées bien, les chrétiens comprenaient bien, chacun va vraiment chercher sa place. Parce qu'en réalité, ce n'est pas pour notre gloire. La Bible déclare que ces choses sont données pour l'édification commune. C'est pour l'édification commune, pour qu'on soit édifié. Alors, dans ces cas, pourquoi chercher dans les pieds que tu es apôtre, tu es prophète, moi, je te dépasse. Tu dépasses comment? Regardez mon corps. Vous remarquez que la seule personne qui est haute, c'est la tête. Tous les autres membres sont au-dessous de la tête, pas vrai? Alors c'est ici dont les chrétiens se trouvent. Voici notre prophétie, c'est ici. Tout se trouve ici. La seule personne qui a la tête, c'est Christ. Christ est la tête, celui qui est celle qui est élevée. La tête reste là-bas en haut sans souffrir d'aucun problème. Lève ta main pour que ça dépasse la tête. Essaie de faire comme si tu es plus chrétien. Reste comme ça 5 minutes, on voit. Quand tu vas faire comme ça, les conditions naturelles vont te dire que tu es censé être en bas. Que Dieu vous bénisse. Amen.